Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Oh, bah quoi? Bah donc quoi, en fait? Oh, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah on parle tous en même temps. Bah ouais. Ah ouais, non, bah ouais. Devinez qui est là. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Adrien, son numéro? Le 14. Merci beaucoup. Un numéro un peu particulier, car je suis accompagné par quelque part le frère que je n'ai jamais eu, à la manière j'ai oublié la personne qui a chanté ça. Toi le frère que oui je n'ai jamais eu. Qui chante ça? Je sais plus. Bon, Adrien Méniel. Oui. Bravo. C'était moi qui chantais ça. C'était toi qui chantais cette chanson. Tout se recoupe. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Excuse-moi, mais attends, mais t'as déjà un frère en fait, Florent? Oui, mais oui, grand mais frère. Lui, c'est le frère que je n'ai jamais eu. D'accord. J'ai un frère que j'ai déjà, si tu veux. D'accord, on parle un peu moins parce que je l'ai. Du coup, finalement, tout le monde est le frère que tu n'as jamais eu. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Si on va par là. Il y en a beaucoup. C'est moins flatteur, du coup. Il me semble beaucoup moins spécial. Oh, t'es juste un gars, quoi. Ouais, non, je me présente. Salut. Je sais pas. Non, mais je suis le mec que Floodcast. Floodcast et voilà. Créateur de Floodcast raconte, il faut le dire. Oui, imitateur de l'imitant de Ondelatte, mais en fait c'est Jean-Marie Le Pen que je fais. Ah bon, c'est vrai. Fais. Bah, fais. Allez. Non, mais fais. Mais t'as qu'à écouter. Fais-le. T'as qu'à. S'il te plaît. Putain, c'est chiant. Mais c'est vrai, tu fais Ondelatte et ça ressemble à Le Pen. Ouais, ouais, ouais. Bah, non, mais on l'a fait. Non, mais attendez. Écoutez. On a fait un podcast raconte là qui est sorti aujourd'hui. Vous avez qu'à l'écouter. Et okay. J'ai fait Ondelatte dedans. Ok. Voilà. Nous sommes également avec François Descraques. Oh ouais. François, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis rédacteur scénariste et je viens des fois faire des podcasts, mais ça s'enregistre rarement. Alors oui, vous voulez ça, savoir. Non, ça arrive. Une seule fois, ça. Il déteste cette blague, Florent. Bah, non, pas je du tout. Je peux vérifier si. Vas-y. C'est où? C'est là. Attends, je ça regarde. Fonctionne. Ça fonctionne, regarde. Il y a c'est un rouge, rec. C'est rouge. Ça roule. Normalement, on est après, bon. Après, ça veut rien dire. Ok. On a quand même réussi à foirer l'enregistrement de la première partie quand on a joué au Bataclan. C'est te dire à quel point on est complètement à la ramasse sur ça. Mais là, ça devrait aller. On avait fait un spécial ouais, Pixar, c'est ça qu'on avait fait ensemble. Je sais plus. De toute façon, on va le refaire là. On va le refaire. Ouais. On le refera, on le refera. Nous sommes également avec Amblarazet. Bonjour. Ah. Et non pas Amblazaré. Merci, eh, merci. C'est merci. Une fille. Ouais, je suis la fille de la journée. C'est vrai. Oui. Merci de m'avoir invité. Non. Attends, je change ça dans la gorge pour commencer. C'est bah, stylé ou pas? Je t'en dégueule dans mes mains. Bonsoir. Ambre, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Qui ne me connaît pas. Bonjour, je suis comédienne. Avant tout, bien sûr, et auteur. Auteur. À mes après, du coup. On peut te voir sur Poulpovision. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, en ce moment, je suis dans Poulpovision. Je fais des blagues aux côtés de Monsieur Poulpe, que j'apprécie. Monsieur Poulpe, de son vrai prénom, Bernard. Eh oui. Eh oui. T'as failli le dire. Cela dit, moi, alors je me suis pas encore présenté, mais on attend le moment. On attend le moment où tu vas dire on est avec nos bah, je dis pas mon nom comme ça. Les gens se disent ah c'est qui? C'est Gérard Lanvin. C'est Gérard Lanvin. Moi. Et en fait, Monsieur Poulpe, moi j'adore, on l'adore, Monsieur Poulpe. Et en fait, moi, à un moment, j'ai tourné un film avec Bérangère Krief l'année dernière, et à un moment, sur le plateau, je lui dis, et je dis, viens voir. Elle me dit quoi? Et je dis, c'est quoi le prénom de Monsieur Poulpe? Elle me dit, mais t'es con quoi, toi? Elle me dit, bah attends, je l'appelle, et je lui dis que tu veux savoir son prénom. Et donc, elle l'appelle, et il dit, mec, il se fait enculer, moi. Et je dis, ah, je pensais que vous alliez me le dire. Et mais il me l'a pas dit. Et je connais toujours pas le prénom de bah, Monsieur Poulpe. Bah, on te Poulpe. Dira, c'est Bernard, alors. C'est Bernard. Ouais, pardon. Ouais, c'est Erwan. Erwan. Nous sommes également avec. Vous l'avez reconnu à son timbre de voix, bah reconnaîtra. Allez, Gérard Lanvin. Ouais. Bah moi j'ai joué dans les spécialistes avec Bernard Giraudot. J'avais la scène où on avait sauté dans une cascade d'eau. J'ai joué dans Marche à l'ombre. Ah, voilà, bah, tous les classiques. Le premier camping. Voilà. Il paraît que j'ai un postiche. Parce que c'est vrai que tout le monde dit ça sur Gérard Lanvin qu'il a un postiche. C'est pas ses vrais cheveux. Postiche de Lanvin. Mais attendez, bah ouais. vous n'êtes pas Gérard Lanvin du coup? Non, je suis pas Gérard Lanvin. Alors moi je m'appelle Thomas VDB. Oh oui! Oh! Ouais, sûrement. Et moi, bah, ma grand-mère, elle est morte. Mais bon, bah, je m'en suis remis parce que c'était quand même pas presque 20 ans. Les maintenant. Deux Les deux, mais l'autre, je l'ai pas connu. Ah. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, en ce moment, je suis un peu en roue libre. non, puis je suis un peu en jachère de ma vie. Là. C'est le nom de ton nouveau spectacle, d'ailleurs. Thomas en roue libre. En roue libre. Et j'écris mon nouveau spectacle en ce moment. Oh. Pour commencer à le jouer l'année prochaine à France. dans des villes de France. Je vais le roder à l'automne prochain. Mais d'abord, je vais terminer de l'écrire. Tu vas nous en faire 20 minutes. Je vais vous en faire 20 minutes. Est-ce qu'il y a un thème? Ben, c'est tout par rapport à toutes les choses, notamment la société. Les gamins, à tous les gamins et tout. Non, mais bon, ben, mon précédent spectacle, c'était un peu un stand-up. Hein, donc là, ça va être un peu stand-up, mais je sais une chose, ça c'est le scoop, c'est genre un pianiste avec moi sur scène. Parce que je veux également montrer que je suis quelqu'un qui sait chanter. Et voilà, donc voilà, je me suis présenté. Parce que je peux te faire aussi un petit lancement genre un peu plateau télé. Je fais, et toi alors Thomas, t'arrives à un truc de dingue, t'as rencontré Helmut Kohl. Et après tu fais ton passage sur Helmut Kohl. Ah oui. Bah oui, c'est vraiment et en général, ça m'est arrivé plein de fois d'être interviewé à la télé. Et donc on te pose une question, alors Thomas, c'est quoi le rock? C'est pour que tu fasses tes blagues de rock. Et au moment où tu fais les blagues, ça m'est déjà arrivé que le présentateur il dise ah machin, c'est prépare le truc pour que tu fasses tes blagues de spectacle. Et au moment où tu fais tes blagues de spectacle, t'as complètement conscience que t'es en train de faire un truc complètement fake et tu racontes ta blague mécaniquement en pensant complètement à autre chose, en pensant que c'est la loose. C'est horrible parce que tu le fais 15 fois de suite dans plein d'émissions. Absolument. Et puis des fois, t'es en train de faire une blague pendant une émission et puis pendant que tu l'as fait, t'es en train de te dire merde, j'ai fait la semaine dernière dans une autre émission. Donc tu continues de la faire quand même. Et après, tu t'étonnes pas que les gens rigolent moins. Bien sûr, les gens se lassent. Ouais. Les amis, afin de lancer un petit peu l'émission, alors je précise aux gens, on enregistre le matin, ce qui n'a jamais été fait dans cette émission, c'est donc vrai. Je vais énormément bafouiller. Mais c'est ce qui fait aussi un peu le sel. Thomas est en jachère, mais quand même, il impose ses horaires. C'est moi, qui ai demandé le matin. Parce qu'il a fallu que j'emmène mon gamin ce matin. Je fais rien en ce moment, mais je suis dispo que le matin. Allez, c'est bon. Et donc j'ai enchaîné. Ouais, c'est vrai. Bah, il lit en toi comme dans un livre ouvert, excuse-le. Hein. Ouais, ouais. Bah, je suis mentaliste. Et donc il est 10h30 du matin, là. Il est 11h15. 11h30. Ouais, 11h30. Et donc, on sait même pas de quoi on va parler. Je sais même pas comment cette phrase que je suis en train de dire va se terminer. Autant te dire que vraiment. C'est du freestyle. On sort tout le temps. Dès qu'on fait de l'impro, on dit courgette. Les amis, pour lancer l'émission, il y a ce truc où on fait le tour des actualités, puisque je suis abonné à bon nombre de médias. Et donc, du coup, je vais vous poser des petites questions à vous de connaître les réponses. Trop Par exemple, quel dispositif automobile un peu surprenant va devenir obligatoire en Italie d'ici peu de temps? Un flingue. Un permis. Attends. Non. C'est un dispositif qui est tout le temps dans la voiture et... Oui, c'est lié à l'automobile. Mais là, on joue aux grosses têtes. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'émission, c'est les grosses têtes. Les grosses têtes du net. C'est ça. Les grosses têtes du net. C'est le nouveau nom de l'émission. C'est les grosses têtes du net. Les grosses têtes de con. Alors, faut deviner, Adrien. Faut deviner qu'est-ce qu'il va y avoir dans les voitures en Italie. Un dispositif obligatoire, quelque chose qu'il va falloir faire à chaque fois. C'est déjà dans certaines voitures. Peut-être un petit peu. Des pénés. Comment? Des pénés. Pareil, des pénés à l'arabiata. Attends, c'est déjà dans certaines voitures, c'est ça? Et là, il faut que ce soit dans toutes les voitures. Est-ce qu'en gilet jaune? Non. Bah, en France, c'était ça. Hein. Ouais. En France, il y a des gens qui ont ça dans leur voiture ou pas? Alors, je sais pas, j'ai pas d'automobile, mais je pense que oui. Je pense que c'est des constructeurs qui font ça dans le monde entier. C'est un objet, un volant. Ah, un truc pour souffler pour voir si t'es rebou? Non, pas du tout. C'est un objet. Rebou, c'est bourré. Bonjour, je n'ai pas de vocabulaire. Vous maîtrisez pas un peu la jeunesse. Un truc pour souffler. Un éthylotest. Un intérieur cuir. Intérieur cuir, non? Des gens talus, putain. Ronce de noyer. Six soupapes. C'est pas des soupapes. Ronce de noyer. Ah putain, attendez, six soupapes là, mon pote. Je me trache, je vais à Dunkerque ce soir, je prends la route. Tu peux pas aller. Tu me taillasses, mon pote. Tu peux pas aller. Fais chier. Tu peux pas aller en Italie par contre. Alors, c'est 18 soupapes minimum. Est-ce que la réponse est drôle? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. La blague, c'est qu'il a même pas la réponse. C'est une question de santé. C'est un peu lié à la santé. C'est bien, François, il demande ça avec les bras croisés. Ouais. Quoi. Est-ce que c'est drôle au moins? Parce que moi, je vais pas me faire chier à chercher si c'est pas marrant. Mais moi, j'adore les quiz. Si je trouve pas, je suis pas bien. C'est lié aux enfants. Un siège enfant. Non. Un pape. Non. Ah si, c'est un Garfield avec des ventouses sur la vitre. Non. Bébé à bord. Un Garfield. L'angoisse. Un iPad collé à la tête d'une tablette numérique. Pas un enfant pour jouer avec ton enfant. On ne cite pas de marque, on dit une tablette, de la pâte à tartiner, du soda. Non, tu peux citer des marques, on est vraiment produit par personne. Velux. C'est un dispositif électronique. Je vais vous donner qui un permet petit de divertir les voix. Ah, GPS, je sais. Pour éviter que les enfants ils restent au soleil. Quand parce que des fois ça arrive de se garer au soleil et tu vas faire tes courses et tu laisses ton fils pendant 4 heures. Et quand tu vois le foin que ça fait aujourd'hui dans les médias, tu te dis on a vraiment des problèmes de canicule. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui n'arrivait jamais avant. Dans les journaux, on lisait pas. Il n'y avait pas de voiture avant. On lisait pas. Il y a encore un enfant qui est resté grillé sur un parking à Carpentras. Ça n'arrivait pas au 18e siècle. Au 18e siècle, on n'entendait jamais parler. Le crieur sur la place publique ne se plaignait pas de ce problème. Alors. Et ben c'est ça. C'est ça en fait. En gros, alors c'est pas exactement ça. C'est pas lié à la canicule, mais c'est un dispositif anti-oubli d'enfants. C'est-à-dire que c'est un problème qui arrive beaucoup en Italie. On oublie les enfants dans la voiture. Je confirme, c'est un peu marrant. Ouais, un petit peu, tu vois. Et donc du coup, les voitures devront avoir une espèce d'alarme quand tu oublies ton enfant à l'arrière, ils disent hey, hop hop hop bambino bambino, il y a un enfant derrière en italien hop hop hop, c'est comme ça qu'on dit en italien. Mais à quoi ça ressemble techniquement? Bah en fait c'est une alarme, c'est juste comme si tu sais, quand tu recules et que tu vas pour taper dans une bagnole, oui. Et bah c'est le même truc, ça commence à faire ouais mon gosse. Ah, merde. Mais c'est pas genre juste une alarme ça? Parce que moi je oui, me mais souviens c'est une alarme fois, liée au fait qu'il y a un enfant à moi une fois mon père quand je pense ça marche avec autre chose qu'un enfant. Anecdote. Il s'était garé, il m'avait laissé dans la voiture genre le temps d'aller acheter des clopes ou un truc comme ça. Et il avait non, il est mort. il a verrouillé la voiture et en fait du coup dès qu'il y a un mouvement à l'intérieur de la voiture, ça déclenche l'alarme. Ouais. C'est pour ça que des fois t'as des chiens, t'as des voitures avec l'alarme qui sonne et t'as des chiens à l'intérieur qui sont complètement en bad. Ah, en bad. En bad. Chien en bad qui est un groupe un peu émo. Une alarme. Mais les chiens en bad. S'il y a du mouvement dans la voiture, ça. En gros, c'est au cas où si tu te fais cambrioler de l'intérieur. Bah c'est ça, ouais. Et donc ça veut dire une chose, c'est qu'en Italie, à partir de maintenant, il sera impossible d'essayer de se débarrasser de son enfant. Parce que si pas dans la voiture. Pas dans la voiture. Un canyon. Tu peux le tenter dans un canyon. Un canyon, tu peux. Mais tu scagnonnes. Mais tu penses qu'à la base, ils ont pensé parce qu'ils mettaient des cadavres dans des. Pas des cadavres, mais des gens dans des coffres. Oui. Tu vois, c'est la mafia, c'est la mafia. Bah écoute, je sais pas. Non, apparemment, c'est vraiment un problème d'oublier des enfants. Qui est un truc qu'on peut peut-être. On sent que t'as critiquer. Pas creusé avant de préparer. non, j'ai juste apparemment. On oublie des enfants. Non, bizarrement, c'est appuie juste l'article. L'article n'est pas très long pour être tout à fait honnête avec quoi, vous. Ce média, c'est un article qui va un peu droit au but. Non, mais moi, je secoue chez moi, bête. J'ai une petite question pour Flaubert. Combien de temps de prépa c'est pour toi cette émission avant? Écoute, dis-toi que ça prend quand même une bonne heure. Ah, une bonne heure, pas une petite heure. Non, une bonne heure. Une heure 2, une heure 5. Une heure 2, ok. Ça dépend s'il y a des jeux en plus et tout, là où ça peut être plus long. J'essaye de faire au mieux. Pour moi, c'est zéro en tout cas. Pour toi, on a tout de suite vu. Quoi que sur le Floodcast raconte, pour le coup, t'as bossé. Selon un sondage récent, 8 Français sur 10 auraient déjà rendu un cadeau qu'on leur a offert à Noël. Genre le revendu, c'est vrai, donné. Bien sûr. C'est pas la question. Le sondage va plus en détail sur le pourquoi on revend les cadeaux et à votre avis, quelle est la raison principale? Parce que c'est moche. Non. Pour se faire de la thune? Non, ça c'est la quatrième raison. Ok, attends. Dis-toi, 11%. Attends, mais c'est une famille en or, là, en fait, c'est ça? Parce que là, les ouais, gens mais se séparent. On a beaucoup volé au patrimoine français dans cette émission. Okay. Parce que c'est des émissions qui ont fait leur preuve, tu vois, qui ont fait énormément d'audience. Donc il n'y a pas de raison que ça marche plus aujourd'hui. Pourquoi on revend? Parce qu'on se sépare des gens, parce qu'on. C'est un peu triste d'un coup, mais oui. Faut trouver la première bonne réponse. On est là, on a trouvé la quatrième. Attends, la quatrième, c'est quoi? Récupérer de l'argent, c'est quatrième, c'est 11%. C'est moche, je le range dans le cadeau ne me plaît pas, c'est deuxième avec 27%. C'est trop petit. Parce que j'aime pas la personne qui me l'offre. Troisième raison à 26%. Ça ne me va pas. C'est vraiment trop petit. Ouais, c'est le troisième, c'est la troisième. C'est donc taille. C'est trop grand. Donc les gens nous voient plus mince que ce qu'on est. Non, c'est pas à ma taille, c'est ça la réponse. C'est pas à ma taille. Ça c'est 3 donc. Et le premier en fait du coup est assez décevant, vous avez trouvé les mieux. C'est je possède déjà le même. J'allais dire, mais je ne laisse même plus répondre maintenant. Oh, bah, c'est une grande déception. Bah, je te sens, j'ai déjà ce Thermomix. Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà fait, vous, de revendre un cadeau de Noël ou de vous en débarrasser si ne vous plaisait pas? Non, j'ai une boîte à cadeaux nuls que je déballe pas. Et je fais oh merci et je le pose dans la boîte et que tu offres à d'autres plus gens. Tard je l'offre à d'autres gens, ça m'a à la même personne, surtout pour, à la même surtout personne, pour mes enfants en fait, tu vois, des trucs nuls de mon enfant que je vois il regardera jamais des livres de Bibinchou, il va se promener à la fête foraine, tu vois, et je dis ouais super regarde c'est Bibinchou et je le pose dans le truc et quand on est invité au baptême de Jean-Jacques et ben on arrive tiens c'est Bibinchou à la fête foraine, eh ben lis-le maintenant, Bibinchou. Non, j'ai inventé Bibinchou, mais on ça voit, va exister ça, on va le déposer directement. moi j'ai créé un cadeau à refiler au cas où si on, je l'avais offert à Kian, c'est ça, ouais. Et je lui ai dit tiens c'est un DVD de Beethoven 4, ouais. Quel meilleur, hein, il tourne dans la France entière. Et je lui ai dit il faut juste que tu remplisses ton nom, parce que si tu as un truc de bibliothèque, je lui ai dit voilà moi je te l'ai offert à telle date. Alors, et si tu l'offres à quelqu'un, mets la date et on verra du tout où il ira, quoi. C'est pas et cool. Donc il m'a dit qu'il avait offert à quelqu'un et qu'il est en circulation dans Paris. C'est Will Smith qui le possède. Voilà. C'est comme une chaîne, jusqu'à ce qu'il revienne, ça va être. J'espère qu'il va me revenir un jour. Adrien ? Écoute, non, je n'ai rien. J'ai eu trop tôt. je suis oui, moi je les mets dans un coffre pendant longtemps et après oui, pareil, je me débarrasse. Tu jettes ou pas ? Non. Non, cela non dit, je recycle. Ça, mais... Je donne aux gens qui en ont besoin. Une sorte. Une fois, je peux vous raconter un cadeau nul. Vas-y. J'ai eu une espèce d'écharpe ou un espèce de tour de cou. Un espèce de tour de cou qui pouvait faire boléro, bonnet, écharpe, machin, jupe, tube. Du tissu. Tube. Oui, j'ai eu du tissu. Un rouleau de tissu. Ouais. Cousu sur lui-même. Okay. Et voilà, je sais plus ce que j'en ai fait, mais j'ai des trucs comme ça qui ne servent à rien. Moi, j'ai un petit conseil à donner. Quand on vous donne un cadeau que vous avez déjà. De faire ah oh yes quand même et de le ranger et ça pour en faire un cadeau à quelqu'un d'autre plus tard parce que moi je me suis fait couillonner plusieurs fois l'an dernier il y a un mec qui m'a offert un disque et donc je déballe le disque je l'ai déjà oh là là. Et le mec fait ah bah je le reprends j'irai l'échanger contre un truc. Jamais. Le mec je l'ai jamais revu et le mec il s'est gardé le disque pour sa pomme ouais. Ça va te faire bien enculé mon alors donc dites pas je l'ai si vous l'avez mettez-le dans un coin et puis offrez-le à votre enfin, ouais. Moi je jette en fait devant la personne ouais non, je fais, tiens, le casse en deux je le casse en deux dans ses gueules c'est ça que je vaux à tes yeux non genre quand je rentre chez moi je le jette moi j'ai eu si je sais que vraiment je m'en servirai pas c'est poubelle est-ce que vous êtes déjà fait engueuler par une personne à qui vous offriez un cadeau parce qu'il trouvait que c'était nul j'ai déjà engueulé les gens moi je suis très bon en cadeau donc moi je suis allé voir un pote qui était malade à l'hôpital et j'avais ramené le DVD de Kaamelott le coffret de Kaamelott je me suis dit ah ça le fait rigoler et tout et il ouvre le truc et il ouvre le truc, il lâche le DVD, il me dit mais attends, mais il me dit tu m'offres Kaamelott, mais il me dit c'est pourri ce truc, il aimait pas Kaamelott. Je dis bah ouais, mais je suis sympa quand même. Et il me dit ah c'est nul, tu crois que j'aime bien ça. Il a préféré mourir. J'ai le goût de merde ou quoi. Je dis bah t'es vraiment malade toi, reste à l'hôpital. C'était une grave maladie qu'il avait ou ouais. Ça va mieux, ça va mieux. Moi dans les histoires un peu honteuses de cadeaux, c'est une fois je vais à Cash Converter parce que j'ai des samedis après-midi top. Et à Cash Converter, je vois un DVD d'un copain. Donc je vais cacher les noms parce que c'est un petit peu dur. Je vois le DVD qu'un copain sur lequel un copain a travaillé. Mais il te regarde parce que c'est toi. Non, c'est pas toi. Ouais. Voilà, là on t'a DVD. Mais ils sont où mes DVD là, putain. C'est un mur de DVD derrière. Tu les avais avant Non, si, ils sont là. Ah, mais je sais qui c'est. Et oui. Et évite de me faire bipper des noms, je t'en supplie. Non. Donc le DVD est dédicacé. C'est un peu horrible le DVD. Ton nom ? Non, mais par mon pote. Oui, mais. Ah non, pas mon nom, on est dans le Cash Converter. Et en vente à 2€ au Cash Converter. Et en vente à 2€. Moi, je suis à Cash Converter, je vois un DVD dédicacé. Ouais, tu revendais son DVD. Non, je le vois dans les magasins, dans les DVD à acheter. Dans les DVD à acheter. Et donc, je vois une petite photo, je fais oh bah gars, dis donc, il y a un fan, il est plus très fan, machin et tout. Il dit ce n'est pas un fan, c'est mon ex. Donc, si tu pouvais l'acheter et le jeter, ça me ferait un peu moins mal au cœur. C'est-à-dire que ton pote, il avait acheté son DVD, il l'avait dédicacé pour son ex. Bah pour sa meuf de l'époque. Ah ok. Tu sais, du coup, quand tu fais quand des DVD, des fois tu les as gratuits. Quand c'est ton DVD, il l'a pas acheté pour lui. Ouais, mais quand c'est ta meuf, elle est pas très étonnée que tu lui donnes ton DVD. Tu me donnes ton DVD, mais il y a ta tête dessus, je la vois tous les jours. Donc enfin, c'est quand même bizarre d'offrir. C'est comme si je donnais le DVD de mon. C'était un petit cadeau, je pense. Que tu dédicaces à ta meuf. On n'est pas là pour juger. Et donc voilà, petite dédicace mignonne avec un cœur et tout. Je fais oh bah. Et amour pour la vie. Ouais. Exactement. Et donc, toi, tu remues le couteau dans la plaie. Bah c'est ça. Il m'a dit non, achète-le et jette-le m'a fait beaucoup de mal. Je fais ah pardon, ça a bien cicatrisé en tout cas. Tu l'as acheté ? Oui, je l'ai acheté. Très bien. Je l'ai offert à un clodo qui m'a dit peu d'intérêt pour ce DVD. T'es le pote de Thomas, il a dit tu crois que j'aime ça ? Grosse merde. Ouais, mon pote est devenu clodo, j'ai pas. Il est totalement guéri, mais clodo. Malade, ouais. Les soins coûtent très cher et il a revendu non pas ses cadeaux mais sa maison pour se soigner. Quel service va proposer Spotify bientôt à ses utilisateurs ? Un service un peu étrange. Le Floodcast en exclu ? Non. Bah, attends. Voulait, qu'est-ce qu'ils vont proposer, c'est-à-dire diffuser. Ouais, quelque chose, comment dire, une possibilité que tu puisses faire avec leur logiciel. Venir chez toi pour proposer de faire des omelettes, des ouvriers et tout, non, non. Toutes les chansons. Oh, bah, je vois pas pourquoi ils feraient ça, mais ça pourrait ça. T'aimes bien Kendrick Lamar, bah je te fais une petite omelette. Allez vous. Tu peux écouter toutes les chansons du catalogue avec la voix de René Lataupe. Non mais j'ai une question. Est-ce que la réponse est marrante? Sinon on cherche. François, pour moi t'as un petit crayon sur l'oreille et tu notes quand c'est drôle ou quand c'est pas drôle. Tu vas me donner une note. Ah bah à la fois t'as des étoiles. Hein. le rédac chef du Floodcast. Quoi. Pas drôle. C'est un service de chauffeur. Non, c'est vraiment lié à la musique. Attends, je comprends. Mais de la musique qu'on offre, voilà. Ah, on peut écouter les morceaux à l'endroit et à l'envers, non. Non. Version karaoké. Messages subliminaux. Karaoké. Attends. Tu peux avoir la version karaoké. Non, ça, ça existe déjà, je crois. Ouais, mais pas sur attends, beaucoup attends, de chansons. C'est un quand service même qui va proposer Spotify, donc c'est-à-dire c'est gratos. Oui, oui, c'est lié, c'est mmh avec. Genre, bonjour, je viens acheter ça. Hey, vous avez Spotify aussi. Non, non, t'achètes Spotify, enfin, tu payes ton abonnement Spotify. Okay. Tu vois ce que c'est Spotify. Hein, c'est bonjour. Tu payes un abonnement Spotify et, oh, et parmi les différentes possibilités, comme créer des playlists et autres, tu pourras avoir ce truc-là. C'est des playlists particulières. Voilà, en fait, moi, j'aimerais bien comprendre la question, mais allez-y. Hein, allez-y. Non, mais c'est en gros, c'est des playlists adressées à certains types. Certains types de personnes. Certains types de ah, pour les chiens genre et les chats. Genre une option dans le logiciel. Exactement. Mais, oui, mais ça existe déjà. Pour les chiens et mais les chats. Ça n'existait pas, je crois. Mais bien sûr, mais moi, je... Enfin, ça existe... Mais il y a des morceaux. Ça existe moi, pour je... les bébés. Moi, je suis oui chez Deezer. Ouais. Et il y a des morceaux spéciaux relaxation chat. D'accord. Bah écoute, là, non. Quand mon chat me défonce. Possiblement, c'est des playlists pour les animaux quand vous partez de chez vous. Comme ah ça, ça met un petit peu de musique pour votre chien. Non, mais je pense que c'est de... là, il doit y avoir déjà des playlists faites par les utilisateurs et eux, ils vont faire des playlists, eux, maison, quoi. Officielles. Voilà. Apparemment, il faut que tu donnes. Et est-ce qu'il y a par catégorie de chien ou bah, est-ce c'est qu'il y a spécial bouvier pour les malinois. C'est... Il y a plusieurs types d'animaux. Alors, déjà, il faut que tu saches. Enfin, c'est lié par rapport au goût du maître, au type d'animal et au caractère de l'animal. Ah oui, donc c'est évolué quand même. Voilà, par exemple, si tu as un chien énergique, on va t'offrir plutôt des morceaux entraînants. Crazy Frog. En revanche, en revanche si c'est un chat craintif, on mettra des tempos un peu plus lents, tu vois. L'homme pâle. Ouais, voilà. Pour l'homme pâle, pour mon chat. Ce serait bien Netflix qu'ils fassent la même chose, mais peut-être pour les chevreuils. Que des films pour des chevreuils, quand ils passent, ils pourraient regarder par la fenêtre. Ouais, ah, mais... c'est un film de chevreuil. Quand y a un chevreuil. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est, deux. C'est la saison 2. Quand il y a un chevreuil dans un film, c'est pour se faire buter, quoi. Il n'y a jamais un chevreuil, genre, qui va bien. Ils n'ont pas de loisirs. Ils n'ont pas de loisirs. Ils sont amoureux de Meg Ryan. Soit il se fait tuer par un chasseur, soit il se fait écraser par une voiture, quoi. Bah là en tout cas il n'y a pas les chevreuils mais il y a chien, chat, hamster, oiseau et iguane. Iguane. Les nacs. Iguane, ils écoutent Iggy Pop ou pas? Oh, oh. Bah ça c'est pour toi Thomas, pas, Thomas. Quand tu dis ça c'est pour toi Thomas. Ça veut dire quoi? Eh hey, rock. Eh hey, c'est du rock. Vas-y rock. C'est du rock Thomas. Rigole c'est du rock. T'aimes le rock ou pas? Ah le rock quoi, c'est rigolo. TF1 va lancer une collection. Juste de... la réponse était drôle hein. Ah, ouais. Okay, ouais. Putain je suis comme ça. Je suis en temps d'axe. De toute façon, on coupe hein, si c'est pas drôle. Bah ouais, il y a du montage derrière. Hein. TF1 va lancer une collection de mini-séries sur des affaires criminelles. Sur qui portera le premier épisode? Sur des chiens et des chats. Ne me dites pas que c'est le petit Grégory. C'est le petit Grégory, très bonne réponse. Ah bon bah, oui. Alors, j'ai, alors là, j'ai une anecdote là-dessus. Ça ne va pas. Oh, mais là, pour coup, c'est pas marrant la réponse là. Si, c'est marrant un peu. Non, non c'est pas très drôle. Non, mais c'est juste que. Allez-y. Je connais un gars qui s'occupe des repérages de la série, donc la série fiction du petit Grégory. Et en fait. Comme c'est dans la région bah, des Vosges, des Vosges, etc. Et en fait, ils sont obligés de ne pas dire aux gens que c'est pour le petit Grégory. Ils disent ouais, on tourne une série. Tu viens de le dire là. On dit rien, c'est juste un petit garçon qui a été noyé dans voilà. Ça. On dit rien d'autre. C'est dans votre région. Et du coup, ils cherchent des maisons, mais d'une tristesse absolue, tu vois. Mais ils disent pas aux gens que c'est pour tourner le petit Grégory chez eux, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, parce qu'ils pourraient le vendre comme ça, parce qu'ils pourraient le vendre en donnant le casting, qui est un petit peu surprenant, puisque par exemple, nous retrouvons Michael Youn dans le rôle du petit Grégory. Non, dans le rôle. Bernard Laroche, c'est Jérôme Commandeur. Ouais, putain. Non mais c'est Michel Platini qui ressemble au petit Grégory. Oui. Tu aurais dû être lui. Michael Youn, il jouera Jean-Michel Bézina, le journaliste. Thierry Godard d'Engrenage, jouera le policier Jacques Corazzi. Toujours l'Italie. Michel Corazzi, Villarmoz, c'est gros port ou pas? Je sais pas du tout. Ouais. Michel Villarmoz, la PJ, la fameuse PJ. Ouais, qui dit bah quand même. Elle me faisait bander, donc elle était quand même un peu coupable. Là, dans le doc. Mais je suis choqué. Le flic qui est là. Non, puis il faut dire ce qu'il est. Elle était excitante. Je vais dire le terme, excitante. Et ça passe. Ils l'ont laissé, mais je comprends pas qu'ils l'aient laissé sur Netflix. Ah bah non, moi ce que je comprends pas, c'est que le mec soit tellement déconnecté qu'il dit ça en se disant bah quoi, y a pas de. Je vais avoir aucun souci à dire ça. Et il y a non seulement quand c'est un porc, mais aussi quand, genre, t'as les images de l'enterrement qui est horrible où elle hurle en larmes et il fait un peu surjoué. Peut-être ouais, un peu sûr, peut-être allons faisait des caisses. Mais il est comme François, il juge ouais, si c'est ça. Drôle, ouais. Si c'est ouais, triste, si c'est sincère. Bah oui, c'est un flic. C'est des formations de réalisateur, ça va pas. C'est le flic le moins bon, peut-être. C'est pas possible. Ouais, un peu surjoué quand même. Et pour le juge Lambert, alors tout le monde espérait Nicolas Bedos, puisque c'est vraiment son sosie, mais c'est Laurent Stocker de la Comédie Française. Non, c'est le sosie de Guy Bedos. Oui, mais bon, des petites lunettes, on y est. Doucement. Je l'ai lu. Et donc, ouais, c'est Laurent Stocker. Et pour Muriel Boll? Est-ce que c'est Yolande Moreau? Je refais ma vanne. Non, je sais pas, ils ont pas annoncé Muriel Boll, mais elle est très jeune. Il y a un casting ouvert ou pas? Parce que moi je suis chaud. Bah écoute, non, ah, par contre, alors il y a. Je peux faire la mère? Tu peux faire la mère, tu peux tenter la mère. Mais il va falloir te faire une petite permanente quand même. Petite coupe courte. Ouais. Mais sachez que c'est un petit peu la mode en ce moment, puisque comme je vous le dis, c'est le premier épisode d'une longue série. Et sur M6 aussi, il y a un téléfilm qui a été tourné sur Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a eu l'interview à la télé la semaine dernière de Guy Joao. qui est le gars qui a arrêté à Glasgow en croyant que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Et le mec, il a enfin parlé à la presse. Il dit moi, je suis arrivé à Glasgow, j'ai pas compris. il est pas brésilien ou... Pas du tout, mais il a un nom. Ouais, non, mais il habite dans la Creuse. Non, je sais plus où il habite. Et en fait, moi, je m'entendais un truc hyper stylé. Et il raconte que 6 mois après, il a non. Et en fait, le commentateur, il a. Et monsieur Joao ne s'en est toujours pas remis. Et le mec, il tremblote à moitié en parlant. En fait, si t'as passé juste une nuit à l'aéroport de Glasgow, voilà, ça te fait un truc à raconter à tes petits enfants après. Non, mais c'est vrai c'est que. Ouf. Non, mais c'est hyper. Moi, c'est le meilleur moment de mon année dernière. C'est quand j'ai découvert la tête de monsieur Joao le matin. Et t'as eu un enfant. Hein. Oui, j'ai eu un enfant. Ouais, mais il y a quand même. C'est quand même un beau moment. Monsieur Joao. D'ailleurs, j'ai failli appeler ma fille monsieur Joao. Monsieur Joao. Mais moi, j'ai bien aimé quand ils ont été chercher le voisin et qu'il dit il lui manquait un doigt. Bah oui, il lui manquait un doigt. Ah non mais. Donc si, imaginons par exemple s'il y avait eu des si TF1 dans sa grande collection de mini-séries sur les affaires criminelles en fait d'autres. Guy Georges, vous penseriez à qui vous pour jouer pour interpréter Guy Georges? Bah Commander là. Jérôme Commander serait pas mal. Guy Georges. Fabrice Eboué, moi je m'étais dit. Tête dans ma tête, pas mal. Fabrice Eboué. Guy Georges, c'est celui qui le tueur de l'Est parisien. Ouais, et normalement il doit sortir l'année prochaine. Mais cette année? Cette année. Autant lui demander à lui directement. Guy Georges est avec nous. Le voilà dans le Flatcast. Salut, c'est Guy Georges. Il le fait un peu comme Patrick Timsit. Non, Guy Georges, je sais pas. Marc Dutroux. Je sais même plus quel gueule. Mais c'est ça, faut qu'on voit leur tête. Il a une gueule d'aventurier. Il a les cheveux plaqués. Et il a des lunettes, non? Est-ce qu'il ressemble un peu au professeur dans Jurassic Park? Non, pas vraiment. Moi, ça va bien au niveau de la physionomie. Tu confonds avec le gars de Jurassic Park. Je confonds tout, en fait. Marc Dutroux, qui avait, pareil, avait fait parler de lui, je crois, l'an dernier. Parce qu'il y avait des détenus qu'il avait filmés du haut du truc. Il parle tout seul en faisant les 100 pas dans la cour. Non, il fait des glissades sur du verglas. Ah ouais. Quoi? T'as pas vu cette vidéo? Marc Dutroux fait du patin. Volontairement? C'est un grand enfant. C'est devenu son violon dingue. Vraiment, il adore les glissades dans la cour. Non, mais il est tout seul. La vidéo, elle est un petit peu horrible. Tu vois, ouais, donc, je crois que c'est les co-détenus ou les gardes qui font bah alors Dutroux, t'es dans ton trou Dutroux. Et ouais. Yes. Ah bah, il est en slip. Il fait froid quand même. Et il fait des glissades sur du verglas. Ah. Et dans quel monde? Donc on est sur une santé mentale pas ouf. On est sur plusieurs années de prison et plusieurs meurtres. Les médias ont dit nouveau dérapage de Marc Dutroux et tout. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il fait des dérapages sur du verglas. Il est totalement fou. Il a parfaitement perdu la tête. Et moi, j'aimerais qu'ils adaptent Alain Lamar. Je sais pas si vous vous souvenez de Alain Lamar. Kendrick Lamar, pardon, j'ai confondu avec Personne Kendrick Lamar. Personne s'en souvient, je crois, de Alain Lamar. Alain Lamar, c'était le tueur de l'Oise. Mais moi, j'aime beaucoup Faites entrer l'accusé. Ah, c'est celui qui s'est pris. Quelqu'un lui a acheté une pierre, non? Non. Un pavé dans la mare. Oh, waouh! Oh, la vache. Attends, préviens. Il est beau là, il est beau là. Faut être sur le qui vive. Bouffée de chaleur. Un orgasme. C'était un orgasme. C'est donc ça. C'est trop bien. Alain Lamar, c'était le tueur de l'Oise. C'est un mec qui avait tué plein de gens, principalement des autostoppeurs. Et en fait, le twist du film, il y a eu un film qui a été fait d'ailleurs avec Guillaume Canet. Le gendarme de Saint-Tropez. En fait, l'assassin était le policier qui enquêtait sur le meurtre. Mais tu nous as spoilé. Je vous ai spoilé, mais après c'est une affaire criminelle. Mais attends, c'est Vidocq par contre. Bah, c'est ça qui est fou, c'est que c'est l'intrigue de Vidocq avec Guillaume Canet et qu'il a refait le même film 10 ans après. Et donc voilà, et donc c'était un mec qui a enquêté sur son propre meurtre. Et c'est génial. Quand tu lis sur le Wikipédia, qui disent c'est Dexter. Quand même Dexter, c'était ça aussi un peu. Il s'est arrêté lui-même à la fin. Ah ouais, il a fait. Bon, j'avoue, c'est moi. Je suis trop. Rendez-moi. En fait, il avait oublié. Oh mais je suis con, putain. Mais c'était moi. Pardon, j'avais zappé. Mais sur le Wikipédia, il y a une formule que j'aime bien. Ils disent le fait d'être le policier chargé de l'enquête a considérablement ralenti l'enquête. J'entends. Je peux entendre ça. Il disait je pense que c'est un chien. Je pense. Sérieux. Coffrait tous les chiens. Il l'a poignardé. C'est un chien avec un petit couteau. Ouais. Mais ils vont pas faire Émile Louis et Francis Hall, mais tout. Michel Fourniret. Pour moi, Émile Louis, ça doit être très clairement Alex Lutz avec du make-up dans une espèce de performance. Moi, j'aimerais que ce soit Alex Lutz tous les rôles. Déguisé, même les vieux. Ou dire, tous les rôles des vieux, bah, bien sûr. Et je suis vieux, je suis Guy Jamais, mon pote. Et ouais. Alors là, pour non mais faut le dire aux auditeurs, il y avait pas Alex Lutz autour de la table. C'est vraiment Adrien qui l'a interprété. Comme ça, ouais. Au débeauté. Au débeauté. Non, mais parce qu'on peut, les gens peuvent. Refait Guy Jamais. Et ouais, dis donc, je suis Guy Jamais. Non mais c'est mon. Jean Gabin quoi. C'est notre. Ouh, je vais te dire, je suis Guy Jamais. C'est notre running gag, Flo. Guy Jamais, en plus, c'est un film que tu as vu. Que j'ai vu, bah une fable hein, pour moi. Il a évidemment pas vu. Ça s'appelle Guy, hein, pas Guy Jamais. C'est vrai. Mais il s'appelle Guy Jamais, il s'appelle Guy. Bon, c'est une fable moderne sur l'âge, sur la vieillesse. En sur vrai, le c'est vachement bien. En vrai, c'est un la paternité et tout. Non, pas du tout. Un peu. Ah, c'est son père, Guy. Ah oui, t'as oublié quoi. Tu spoil encore. Tu l'as pas vu, mais tu connais. Bah, je spoil. Je spoil les films que j'ai pas vus. C'est mon. Transition excellente. Quelle nouvelle pratique sexuelle tendance inquiète les médecins? C'est drôle ou pas? Baiser son père, du coup. Baiser son père. La natation dans le sperme. Le dos crôlé. Ouais, attends. C'est une pratique sexuelle un peu surprenante qui est les médecins. Bon, ils sont comme ça, ils tremblent. Ils sont super inquiets. Tu as une banane. Hein, ah, s'insérer des jouets, des majorettes et tout dans. Se mettre du persil. Non, c'est pas le persil dans la tête. Non, c'est pas le persil dans la tête. On est sur des trucs qui sont des insertions. Mais c'est pas des majorettes. C'est pas bronzer du trou de balle. Non. Parce que là, c'est le nouveau truc. Mais c'est pas parce que les médecins ont peur. C'est peut-être parce que ça les concerne. Genre, c'est violer des médecins. On est terrorisé. On se cache. Drôle. Attends, est-ce que c'est s'insérer des animaux? Non, pas des animaux. Quelque chose en tout cas. C'est sincère quelque chose et c'est pas ce truc de bronzage dont j'ai effectivement entendu parler aussi. Les influenceurs bien-être se font bronzer le trou de balle, je sais pas si vous avez vu c'est ça. C'est pas sexuel. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est le nouveau truc, ça, ils se mettent sur le dos. Mais ils prennent leur dose de vitamine avec D. Ouais, les pas à quatre pattes sur le dos et tu mets le cul un peu. J'étais un enfant. Okay. Jean-Pierre Foucault, c'est venu de là. Enfin, tu sais, il est très bronzé à la base et il voulait que le trou de balle, ça a dérapé. Ouais, ou Trump. Oh, on balance. Hein. Hey, Trump, il est orange. Ah, ouais, bien envoyé. Bim, hein. Ouais, on dirait hamster. Ah oui, cheveux, là. Attends, il est orange. C'est une perruque qu'il a, le mec, ou pas? Ah, on balance. Rien à foutre sur Trump, je veux dire. On envoie à mon pote. Alors, c'était quoi là? Donc, qu'est-ce qu'on s'insère? Des encyclopédies? Je sais pas. Des smartphones. Vous savez quoi? Je vais un peu préciser. C'est pas vraiment s'insérer. C'est aider à l'insertion via quelque chose que les médecins déconseillent. Un chausse-pied. Tu es très gros god avec un chausse-pied. Il s'agit d'une matière. Il s'agit d'un liquide. Un écarteur. Il permet de faire passer quelque chose. C'est un liquide. Aïe, aïe, aïe. On se met. De la cyprine. Non, ça c'est accepté. Mais c'est pas le. On n'est pas dans. C'est pas sorcier. C'est pas du lubrifiant. C'est pas du lubrifiant de voiture. Non, c'est vraiment. Du lubrifiant. Tu laves vite. Les médecins qui sont très à la bourre sur les pratiques. Ils utilisent du lubrifiant pour insérer des sexes. Qu'est-ce qu'ils font? S dans la nue? Du savon noir? C'est pas précisé. Ça peut être dans tous les orifices. Ce n'est pas du savon noir. Bah, ça sert à glisser. Mais... De la chaux, de la chaux vive. Mais non, c'est un truc récent puisqu'ils sont inquiets maintenant, comme si c'était nouveau. Non, c'est, bah écoute, ça existe depuis longtemps, ce qu'ils utilisent pour. Du slime. Mais ils sont inquiets que maintenant. Le docteur, en tout cas, Sridatta, une spécialiste en la matière, donc de se foutre des trucs. De la matière, la matière. Non, non, de sexe, a averti le grand public que les ingrédients contenus dans ce liquide. Dans la pâte tartinée. Non. Dans le gâteau qui. L'appareil à faire des gâteaux. Non. Attends, c'est quelque chose de visqueux. Slime, des trucs de. On se rapproche du slime, mais c'est pas. C'est un truc de la vie de tous les jours. C'est la pâte à croûte. Non. De la vie de tous les jours, Ambre. Si t'es humoriste, t'as de la pâte à croûte tous les jours. Toujours. C'est clown. C'est visqueux ou pas? C'est pas visqueux. Mais là, vous cherchez loin, alors que c'est vraiment dans la liquide vaisselle. De l'eau. Du savon. Pas loin. Est-ce que tu nous l'as proposé ce matin? Gel hydroalcoolique. Ah non. Ah, de la crème Nivea. Mais vous y êtes, du dentifrice. Très bien joué. C'est pratique. Le dentifrice peut contenir des ingrédients tels que des agents de blanchiment, de la menthe poivrée ou des huiles parfumées qui peuvent être irritants ou abrasifs. Mais enfin, je connais pas vraiment. Pourquoi se mettre du dentifrice dans le huc? C'est pour lubrifier. Ceux-ci peuvent causer une légère brûlure chimique et des cloques sur n'importe quelle zone des parties génitales. Le côté picotement joue dans le truc, je pense. Ça doit t'endormir. C'est exprès, ouais. Ah, ça te rafraîchit le huc. Ça picote. Ah, ça doit rafraîchir. Et du coup, alors. Moi, c'est un conseil que je vous donne, ne mettez pas du jus d'orange dans votre cul derrière. Parce que les petits prouts, ils sentent la menthe. Et ça, c'est sympa, parce que c'est vraiment pour le côté Hollywood chewing gum. Parodontax, écoutez, c'est quand même vachement abrasif, mais ça va pas. À votre avis, sur 100 français, et ça, ça va te parler, François. Okay, c'est drôle. D'accord. C'est une question qui va te parler. Sur 100 français, vite, combien se trouvent drôles? Apparemment 5. Autant beaucoup trop. Beaucoup si on regarde les YouTube. Les Français se croient drôles, c'est vrai. 47? C'est vraiment plus. Et là, ça devient, tu vois, juste le juste prix. Non, c'est 80%, je pense. 69, 92. Non, c'est un petit peu moins de 80. 75. Ou un peu moins. 70. 70 Français se trouvent drôles. 82% des millennials affirment aimer faire des blagues à leur entourage. Oui, bah oui. Voilà. Contre 65% de 55 et plus qui ont plus le temps pour Après, tu peux aimer faire des blagues sans dire je suis drôle, quoi. Non, en fait, c'est le Moi, j'aime jouer au foot, mais je suis nul, par exemple. Et 30% des 18-24 estiment se trouver très drôle. Attends, combien? 30%. C'est sur Instagram, très ils font drôle. Des vannes et tout sur Twitter, sur Insta. Ouais, ils font des TikTok. Ah ouais, les jeunes. Après, quand tu c'est vois quoi, les commentaires, c'est et la tout, nouvelle c'est appli des jeunes après Vine. Ah ok. Vraiment, tu veux pas savoir. Ah, je suis à la ramasse. Et 8% des 55 et plus se trouvent très drôle. 8%, alors, oh, c'est 8%, triste, comment ça chute. Non mais se trouve très drôle, peut-être qu'il se trouve moins drôle. C'est quand même, tu te dis que quand t'as 25-30 ans, il y en a quand même 30% qui disent je suis très drôle. 20 ans après, il y en a plus que 8%. C'est vraiment la vie, t'as vraiment abîmé et ouvert les yeux, quoi. Tu te prends des vents. Vers la quarantaine, tu fais putain, je suis pas du tout drôle en fait. C'est vrai qu'il y a une espèce de mode. Alors, est-ce que c'est avec les réseaux sociaux, je me permets bien de faire sûr, un petit c'est quart les jeunes, ça. Chez les grands gueules, réalisé au 08 22 22 22. Non, mais il y a une espèce de mode, il faut être drôle tout le temps. Ouais, ouais. Donc tout le monde est marrant, tout le monde met des statuts Facebook avec le bon mot et tout, c'est horrible. Les gens sont les merdias et macarons, on le dit c'est horrible. Et Trump. C'est horrible. Et Trump parmi tous. C'est une clémentine ce mec. Orange, la couleur. Bah c'est clair. Mais une couche, putain, s'il écoute, il va être dégueu. Je peux te dire, il va chialer ta grand-mère. Thomas, je rebondis sur ce sondage. Est-ce que tu te trouves drôle? On va vérifier tout de suite avec une série de blagues. Ouais, de quoi? Non, en vrai, tu es très connu. Est-ce que tu trouves très drôle les gens qui t'imitent? Ah ouais, putain. Alors, j'adore l'imiter. Oh mon gars! Il y a une question autour de ça. Attends, c'est bien plus tard aussi. Mais non, parce qu'en fait, ma question, c'est parce que tu as été journaliste. Ouais. C'est très connu sur le monde du rock. Très, très connu. À quel moment tu t'es dit que tu allais sauter le pas? Pour faire marrer les foules, marrer les gens, et puis au final déclencher le rire. Est-ce que tu faisais rire les gens dans le quotidien déjà avant? Alors, en fait, j'étais journaliste dans un magazine de musique, mais parce qu'à la base, j'adorais la musique. Moi, je voulais pas être journaliste. Je voulais juste un métier. Il y avait un moyen d'aller voir des concerts gratuitement et d'avoir des disques gratuitement. Donc, j'avais dit, je veux bien ça, moi. Mais en fait, être journaliste, je disais, mais je veux pas. Après, il faut travailler. Ça m'intéresse moins quand même. Et donc, du coup, parce qu'en fait, quand tu es journaliste dans la presse musicale, alors c'est plus pareil maintenant. Non, parce qu'avec internet, bon, je pense que la presse musicale ça sent quand même moins, mais à l'époque j'avais un revenu et j'avais les mêmes statuts fiscaux que des mecs qui partaient en Azerbaïdjan et qui étaient pris en otage, tu vois, parce qu'en fait quand t'es journaliste t'as des abattements fiscaux et tout, et donc je dis là c'est quand même une honte que le nom de mon métier soit le même nom de métier du mec en Azerbaïdjan, parce que très moi, peu pris en otage pour ta part, très peu pris en otage moi, vraiment. Et donc non, mais en fait j'ai fait des centaines d'interviews avec des chanteurs, et en fait très honnêtement, il y a énormément d'interviews que j'ai fait où le mec il me parlait et dans ma tête je suis me ferme ta gueule, c'est relou. Et en fait j'adore la musique, mais je me suis rendu compte très vite que parler avec des musiciens et les faire parler sur alors ton album, tu l'as enregistré à New York, bon au bout d'un moment j'en pouvais plus quoi, donc voilà, je me suis un peu lassé en fait d'aller interviewer, et comme à côté je faisais du théâtre de rue beaucoup, et ben ça m'a donné envie, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire mon premier spectacle sur mon parcours de journaliste de musique en fait. C'est ça. Et t'as fait aussi chant de Daft Punk où tu faisais pareil très lié. Alors oui, alors là c'était plutôt un faux concert en fait. C'était effectivement quand ça s'appelait Thomas VDB chant de Daft Punk, je me prêtais l'intention de faire un récital de chansons de Daft Punk. Donc j'avais un DJ avec moi et j'étais là, vous êtes prêts? Et donc c'était interminable et pénible, mais je pense que c'était drôle parce que c'était interminable et pénible. Moi c'est un de mes trucs préférés que j'ai vu de ma vie, mais je te le dis très honnêtement. Mais vraiment, il est dispo quelque part ce alors spectacle, non parce que... mais alors, en fait j'ai une captation un peu dégueulasse, mais je vais être obligé de le mettre sur YouTube. Alors c'est pas filmé comme à la télé, mais c'est une bonne représentation qui est filmée que je vais finir par mettre sur YouTube pour que les gens puissent le voir. Ouais. Puisque là il y a que l'extrait à Montreux et donc du coup ça qui peu... est une véritable catastrophe. Alors on a parlé parce que jouer à Montreux en général c'est vraiment un entraînement de vraiment se prendre des murs pour moi. Vraiment aller à Montreux en général le public c'est vrai que le public en Suisse il est pas toujours un peu plan. Ouais, non, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que moi, tous les passages que j'ai fait à Montreux, à chaque fois que je sors de scène, je suis là. Quel cliché. J'aurais pas dû le faire. Pas du tout un cliché. Les Suisses sont plan-plan. C'est un peu un cliché, mais. Ouais, ils sont plan-plan. Le fameux cliché de Montreux, les gens rigolent pas trop aux blagues sur Daft Punk. C'est un cliché qui fait beaucoup souffrir ces gens. Ouais. Non, mais je me suis éclaté à faire spectacle, mais c'est pas un spectacle que tu peux jouer partout, quoi, effectivement. Dans un gala à Montreux, les gens, ils comprenaient pas de quoi je parlais. Et Daft Punk, t'as suivi ou pas là-dessus? Non, alors j'en ai croisé un des deux au début que je faisais le spectacle, j'en ai croisé un des deux à Paris et donc je suis allé le voir, j'avais un tract sur moi, j'ai dit regarde, je fais un spectacle sur vous, et le mec, donc c'était Guy Manuel là, tu sais, il y a Thomas et Guy Manuel, le petit, le descendant du bras droit de Franco. Ah bon? Je crois, ouais. Et aussi, parce qu'on rigole, mais on en apprend. J'ai appris ça. Putain. Je comprends pourquoi il met un masque, le mec. C'est un peu les jeux de 20h. Et donc, j'avais appris. Et donc, du coup, le mec, j'avais dit, regarde, je fais un spectacle sur vous. Et le mec, donc, j'avais écrit sur l'affiche, j'avais écrit Thomas VDB chante Daft Punk et chante. On avait repris la police de Daft Punk. Tu m'avais dit. Première réaction du mec de Daft Punk, il prend le track, il fait. Il dit, attends, vous avez repris la police là? Je fais quoi? Mais si tu veux, on la change tout de suite. là, parce qu'il avait une tête de mec, il va appeler son avocat à Los Angeles. Donc le seul problème, c'était la police, pas l'intégralité de leur chanson reprise par Ouais, ouais. Non, parce qu'il a. Quand je lui ai donné le track, j'ai bien dit, c'est pas un truc où je me fous de la gueule de Daft Punk du tout. C'est un truc où c'est sur un mec qui croit que c'est une bonne idée de chanter des chansons de Daft Punk. Donc c'est vraiment, c'est moi qui est ridicule sur scène, c'est pas vous. Et le mec, il m'a dit, ah, je vais venir te voir. Et puis deux semaines après, il y a Get Lucky qui est sorti. Et puis j'ai plus jamais vu le mec. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que. C'était donc en 2013. Ils ont une espèce de vie qui fait que je pense qu'ils sont pas trop emmerdés qu'un gars fasse un spectacle sur eux rapport au fait qu'ils connaissent. Mais la police, attention, pas du tout la police. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ouais, je pense. Doucement sur le word art. François, toi, pareil, on est dans la comédie, dans l'humour. Tu touches beaucoup au cinéma, au genre en tout cas, aux séries de genre, à la création de genre. Mais à chaque fois, tu mets de la comédie. Pourquoi c'est si important pour toi d'en mettre tout le temps? C'est ce que tu préfères ou... Ah, c'est pour pas pleurer. Voilà. De toute façon, c'est un petit mouchoir pour cacher l'âme au final. Je vais faire une réponse sérieuse et peut-être un peu chiante. Mais c'est pas grave, c'est le but de cette question. Est-ce que ça sera drôle? Est-ce que la réponse est drôle? Je pense qu'il y aura moyen de blaguer là-dessus. Mais, je vous laisse faire des proutes. Voilà, s'il te plaît. Sérieusement, en fait, quand je traite d'un sujet qui me paraît sérieux, et souvent les films de genre, les séries de genre sont souvent très sérieuses, il se passe des choses horribles. Et ben pour moi, forcément, je me dis, c'est dans la vraie vie, même quand il se passe un truc horrible, il y a toujours un second degré, une réaction humaine qui fait que c'est plus drôle que ça en a l'air, même si le fond n'est pas forcément drôle, mais le traitement peut être drôle. Mais à l'inverse, des fois, il y a des sujets qui paraissent très marrants ou très décalés et j'ai envie de traiter au premier degré. Je dis, mais non, ça a l'air fou, mais en fait, on va le traiter sérieusement. Donc en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est un sujet sérieux que je traite... façon un peu décalée, comme on dit, dans le milieu. Oh, tu décales. T'as soit, un peu fait la voix de Bill du Big Deal, on dirait. Ah bon? Mon ami Vincent. J'étais là, mais à qui me fait penser cette voix? C'est Big Deal. Voilà, donc voilà pour ta réponse. Ok. Ouais, elle était très bien. Une marque a décidé d'aider l'Australie de façon un peu chelou. À votre avis, laquelle? Une marque. Evian. En mettant plus de feu. Ils ont brûlé des trucs. De l'essence. Ça n'a rien à voir avec la meuf qui s'est mise toute nue pour vendre ses nudes. Non. Pas rien à voir. Enfin, rien à voir. On est dans le domaine un peu sexy. Dorcel. Marc Dorcel. Alors, je vous demande pas le nom de la marque. Il a balancé du lubrifiant pour éteindre. Non. Du dentifrice. Merci beaucoup. C'est pas un site porno. Non, pas un site porno. Pas un site porno. Mais c'est une marque. Je vous demande pas le nom de la marque, mais en tout cas, une marque qui. Marque de quoi, quoi. Ça nous aidera de trouver le genre de marque que c'est, quoi. C'est même ce que je vous demande, en réalité. Une marque de briques. Est-ce que c'est une marque de kangourou? Ça n'a rien à voir. Le slip kangourou. C'est le slip français après leur bad buzz. Ils ont fait, bon, on va faire un truc. On peut le dire, quoi. Attends, ils ont décidé d'aider. Parce que déjà, moi, j'ai toujours pas compris la question sur Spotify. ils ont décidé d'aider l'Australie d'une façon un peu particulière. Donc, qu'est-ce qui est particulier? Ils vendent des trucs. Un peu bizarres. Des boomerangs. Et les fonds vont là-bas. Et tous les fonds vont pour aider l'Australie. Est-ce que c'est un truc qui est dans la droite lignée de leur activité habituelle? Complètement. Et en capote, tu t'approches. En rapport avec le feu? Ah. Aucun rapport avec des le des vibros portés. Des vibros. Alors des vibros, ce sont des sextoys, effectivement. Tout okay. à fait. Mais quelle est la spécificité de ces sextoys liés à l'Australie? Ils s'utilisent dans l'eau. Comment? Ils lancent de l'eau. Non. Ils s'utilisent dans la baignoire. C'est logique. Ce sera assez logique. Ils sont musicaux. Ils parlent australien. Ils parlent australien. Ils sont en forme de kangourou. En forme de varan de Komodo. Ils sont à l'eucalyptus. Ils sont musicaux comme les cartes de vœux là. Quand tu l'utilises, ça joue Men at Work. Ils sont à l'effigie de Russell Crowe. Ah, come from a land. Alors vous avez donné la réponse. Kylie Minogue. Non, vous avez donné la réponse en vérité. Ils sont gravés avec des kangourous. Avec des koalas, pardon. Des koalas sont gravés sur le godemichet. Et la base des couilles, c'est l'Australie. Mais attends, j'ai l'impression que s'ils veulent donner de l'argent à l'Australie en vendant ça, l'Australie va se faire des couilles en or. C'est génial. Parce que ça, c'est un marché énorme. Putain, les sextoys en forme de koala. En fait, le problème, c'est que t'es obligé de nous le montrer, sinon c'est impossible à imaginer. Ouais. C'est, la base des couilles à l'Australie, je pensais avoir été assez clair. De dire qu'il y a une base de couilles à l'Australie, qu'il y a un koala gravé et que c'est vert et jaune. C'est un le drapeau de l'Australie, bien sûr. Alors, je précise qu'il n'est pas gravé. Il est en relief, parce que pour l'objet, ça a son importance. Et j'appelle pas ça des couilles, moi. J'appelle pas du tout ça des couilles. C'est la base du sextoy. Un socle. Là, c'est la ventouse, c'est le socle, afin de. Bon, oui, je l'ai lu. Ouais. Oui. En tout cas, je trouve que c'est une nouvelle extraordinaire. Ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est vraiment magnifique? C'est insolite. Apparemment, en tout cas, il lève des fonds. Oh non, il lève des fonds. Il lève des fonds. Il lève pas que des fonds, si tu vois ce que je veux dire. Un trou de balle. Au moment où j'ai lu l'info, ils avaient levé 25 000 dollars pour le. $25,000. Pas mal. Tu peux t'en acheter de l'eau avec 25 000 dollars. Gaël, mon fils, s'est blessé à seulement quelques jours de l'Open d'Australie de façon. Je sais, moi. Con. Je vais pas le dire du coup. Oh, si, dis-le. Comment dis-le en jouant au jeu vidéo. La question, déjà. Il a joué au jeu vidéo et vu que c'est un mauvais joueur, il a mis une patate dans le mur et il s'est pété la. Non. Ah oui, oui. Ah, mais là, en fait, c'était une question où tu donnes la réponse. Il a donné. Ah, pardon, je m'en souviens. Ça a été très vite, Thomas. Moi, j'ai cru que c'était en rapport. J'ai cru que c'était en rapport avec la question précédente. Je me suis dit, waouh, violent le. Tu vois. Mais attends, d'accord, parce que moi j'ai vu juste comme tous les articles, maintenant on lit que le titre, et il y avait marqué il s'est blessé. Dans votre gueule. Il s'est blessé en jouant en jeu vidéo, donc je pensais qu'il s'était fait genre tennis elbow. Enfin, non, il a tapé. Avec la manette, non, en fait il a mis un coup de poing. Il a tapé contre la tête du lit, parce qu'il joue dans son pieu, le gars. Et il a tapé dans sa tête. Oui, donc en fait c'est comme ça qu'il s'est blessé. C'est pas la sorte de vidéo. Vous avez déjà dents de rage. Vous avez déjà donné un coup de poing dans un mur de colère ou pas, vous? Bien sûr. C'est vrai? Faut pas faire ça. Ah non, mais c'est pas. J'ai arrêté. Faut pas le faire. Alors la main, surtout. Bah oui, puis tu sais, au moment où le poing va taper, tu dis, je vais me faire mal. Eh bordel. Alors moi. Et t'es ridicule. Bah surtout, t'es ridicule. Moi j'ai un pote qui le fait, et c'est le même pote qui était à l'hôpital. C'est le même pote. C'est comme ça qu'il a juste après là-bas. Une tête de lit d'ailleurs, mais une tête de lit d'hôpital. Quand tu lui as dit, putain, tu crois que j'aime ça? Mais au moins, l'avantage c'est que t'es déjà à l'hôpital. Ouais. Après. Non, moi j'étais énervé, je sais plus pourquoi, je crois que mon ordi avait planté. Et j'étais en train de bosser, donc j'avais pas sauvegardé et tout. Et j'avais voulu mettre un coup de poing dans un quelque chose. Et tu t'es mis. Et il y avait le mur, et j'ai fait, oh, je vais me faire mal justement. Comme ouais. J'avais quand même. J'étais pas tapé dans un coup. Pas fait. Et juste devant moi, il y avait le panier à l'inchal. C'est vraiment un badass. Donc, taper dans le panier. C'est parfait. C'est parfait. Je vais taper. Je vais défoncer ce. Je vais avoir le truc de taper dans quelque chose et je vais pas me faire mal. J'ai tapé dedans, sauf qu'il était posé sur mon ukulélé. J'ai cassé mon ukulélé, putain. Oh, et en plus, c'était un ukulélé trop bien. C'était mon préféré que j'avais acheté sur eBay, que j'avais fait réparer et tout. Combien on donnerait d'argent pour pouvoir avoir assisté à cette scène? C'est la gueule du mec dessus. Mais merde! Mais surtout, est-ce qu'il s'est passé 10 minutes entre le moment où t'as fait l'ordinateur? Non, l'ordinateur. Je suis allé dehors, j'étais pas si en colère que ça. Je vais faire un sondage. Des fois, tu marches partout dans l'appart pour trouver l'endroit où tu vas donner ton coup. Non, je suis dans la cuisine. Non, c'est fragile. Attends, je suis sorti, j'ai pris le métro. Je fais attends parce que je suis passé devant un truc qui avait l'air un peu dur, mais un peu mou. Un peu souple. Ouais, mais c'était aux encombrants donc ça avait été enlevé. Donc je suis revenu chez moi. Bon, bah allez, panier à l'inchal. Thomas, tu disais, il faut pas taper dans le mur, mais toi, t'as des excès de colère. Comment tu gères ta colère? Tu te mords, mais en fait en général je suis en colère contre moi. Ce matin j'avoue je me suis énervé. Ce matin j'étais chez moi, t'as pas honte? Dans ma maison j'ai dit fais chier. Et donc ma meuf elle, mais grave ou quoi, parce que je trouvais pas mes clés. Et donc c'est horrible de s'énerver à côté de quelqu'un, c'est hyper stressant. Ah ouais, mais putain, mais je me sens tellement ridicule quand je fais mais merde. Alors si t'étais tout seul tu le ferais peut-être pas. Ouais, non, ouais, c'est clair. Ouais, t'as besoin d'extérioriser des trucs. Non, mais j'essaye vraiment de m'énerver le moins possible parce que vraiment, c'est vraiment comme des gros joints, mon pote. Ouais, les gros joints que tu fumes. Gros Bédos Man, ça va? Gros Bédos Man. Hey, Guy Bédos. Allez, wow. Putain, et on la note. Et ça, normalement, c'est une petite pause encore. Après Guy Bédos, là, il faut quand même faire une petite pause. Dis jamais. Mais sérieusement, toi, t'as fait de la batterie pour ça? Ouais, enfin, pas pour ça, non, pour en règle générale. Oui, il y a aussi la masturbation. Mais pour la batterie, ouais, ça aide un petit peu à enlever du stress. Mais là, récemment, il y a un peu de sport, ouais. Mais ça, j'ai laissé tomber. Mais la masturbation, c'est pas pour quand t'es énervé. C'est rare des gens qui sont là, mais merde. C'est Louis de Funès qui s'est branlé. Bah, on imagine que Louis de Funès, quand il se branlait, ma biche. Ma bite. Oh ma bite. J'imagine faire. Bien sûr. Le violon là avec sa bite. Que y avons-nous jamais pensé? Ma bite. Un mélange entre De Funès et Mr V. Ma bite. Oh. Mais ouais, moi je jette un peu des objets, je suis un peu nul à ce niveau-là. Moi, dans ton bureau, j'espère pas, il y a que des trucs, des œuvres d'art, à geek. Non, mais là, récemment, j'ai la penderie Ikea de notre chambre a cédé sous le poids de vêtements. Parce que Ikea, c'est des petites vis dans du bois, donc c'est pas très solide. Il faut la changer. Donc tout se pète. Ouais. Donc je me dis, ok, très énervé déjà au milieu de la nuit, 4h du matin, mais je me dis, je le ferai demain. Ah, ça pète en pleine nuit. En pleine nuit, donc un petit coup de stress. Réveil, ouais. Horrible. Ouais. Petit coup de stress. Le lendemain, je le répare, du coup, tu sais. Les penderies, c'est plein de petits trous pour que tu visses un peu l'étagère où tu veux. Ouais. Donc je le fais au-dessus. Ouais. Une heure après, ça repète. Ça m'agace. Je le refais. Là, ça pète sous mes mains directement. Mais tu remettais à chaque fois le même poids au-dessus. D'habit peut-être dessus. Non, j'essayais de dispatcher. Je pense que la vis était morte, quoi qu'il arrive. Et en fait, je pense que ça a fait une espèce de fissure entre les trous. Bref. Mmh. Et donc, j'ai jeté le tournevis de colère. Il a rebondi et il a pété un autre tiroir de IKEA qui était en face, qui a un trou comme as. Vous avez même internet. Mais non, mais c'est vraiment filmé à chaque fois que vous. Mais oui, c'est. Moi, quand je m'énerve, je tape les gens. C'est ah oui, non, mais donc ça, faut pas. Moi, je recommande que vous êtes vraiment énervé, on brûle la maison. On prend une allumette, on met le feu dans la maison, et alors on est bien enragé contre ça après. Mais moi, quand j'étais ado, je disais se mordre, parce que quand j'étais ado, j'étais un peu un emo qui écoutait Linkin Park, je me mordais, moi. Oh, pour pas me scarifier. Mais là, c'est triste. Parce que c'était emo que tu te mordais. Je pense qu'il y avait un truc des traces et tu trouvais ça stylé. Pas du tout. Bah non, pas du tout, mais c'était un truc d'automutilation, mais parce que j'avais peur de me scarifier quand même. Tu étais un labrador aussi à l'époque. Tu as eu un changement de. Voilà. On me laissait jamais sortir, enfin tu vois, je me faisais du mal. Moi, là où je me sens le plus ridicule quand je m'énerve, c'est devant ma meuf et. Quand je joue aux jeux vidéo, je sens le mépris. Tu sais où je fais, mais putain, fais chier! Et vraiment, elle dit rien, mais je sais qu'elle se dit, mais quel gogol de. T'as quel âge, quoi? Moi, je fulmine aussi. Elle aime pas quand je fulmine. Au cinéma, je fulmine beaucoup. C'est-à-dire qu'au cinéma, il y a des gens, ils parlent et je fais des. Ah oui, bah oui, tu te retournes tout le temps. Et vous rappelez que quand on était petit, par exemple, c'est des fois, tu marches dans la rue et tu montes un trottoir sans faire gaffe et en fait, tu manques de trébucher parce que tu te prends le trottoir. Et c'est un truc que je ressens plus du tout maintenant que je suis adulte. Mais quand j'étais petit, tu vois, je me retournais et je regardais le trottoir. Mais j'avais vraiment envie que ce soit une personne. Et je suis là, mais c'est l'enculé, trottoir de merde. Et tu sais, t'avais vraiment, tu personnifiais le trottoir ou une marche d'escalier. Vraiment, j'avais ça quand j'étais petit et maintenant je suis c'est pas grave, c'est de ma faute. C'est vraiment la différence, quoi. C'est la maturité, quoi. C'est la maturité. Ça passe par là. Comprendre que les objets inanimés n'ont pas de volonté. Il faut grandir dans la vie, c'est tout. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai repris la guitare, chose que je faisais il y a très longtemps et que je fais toujours très mal, mais j'essaie de faire des morceaux calmes. Sauf que quand je me penche, je fais putain! Et du coup, ça fait. Oh putain! Non! Il y a un contraste entre ce que j'essaie de faire. J'ose interdire. Ouais. Voilà. J'ose énerver. Mais le fait de se calmer, moi, m'énerve. En fait, je combats un peu la colère par la colère. C'est pour ça que je fais de la batterie. Je mets des trucs de bon, bah voilà. Oui, voilà, exactement. Parce qu'il y a un peu un truc où. Est-ce par que exemple, c'est pas un truc de testostérone, ça. Je sais pas sort, du tout. Toi, t'as pas ça. T'es jamais énervé. Moi, c'est plutôt les gens qui m'énervent. Donc, j'ai eu vraiment une période où j'étais très, très en colère contre les gens. Donc là, je me détache des relous. Je me détache des relous, je me protège, j'arrête de me mêler des trucs là et je laisse les gens dans leur galère. Mais avant, j'étais une énorme nerveuse. Ouais. Ça ressort en soirée quand je suis un petit peu méchée, je te cache pas. Donc, c'est pas la Mais normalement, je suis une énorme caïra. Oui, c'est vrai. Bah, j'en ai aussi. Oui, oui. La bêtise, c'est la bêtise qui rend ouf. Vraiment, c'est la bêtise, quoi. Les gens. Et les meubles IKEA, a priori. Et les meubles IKEA qui cèdent alors que tu les as quand même payés 200 balles. J'en parle, c'est chaud. Ça m'énerve, mais quand même. Ouais, mais on est toujours, je suis d'accord avec toi, mais on est toujours le mec énervant de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est-à-dire que là, ça tombe, il y a des mecs qui nous écoutent, ils sont là, mais ils m'énervent. Ils m'énervent, bien sûr. Ça, t'inquiète pas. Tu crois qu'on est cool? Moi, je crois que je suis cool. Ouais, mais tu peux dégager un truc détente quand même. Il y a des gens nerveux qui arrivent dans une pièce, c'est stressant. Passer à autre chose, mais moi je suis un peu. Enfin, moi je suis vieux depuis l'air très que j'ai 15 nerveux, ans. Non, je suis pas forcément nerveux, mais je suis très nerveux sur 4-5 trucs. C'est-à-dire que je m'énerve pas pour la majorité des choses, mais les peu de choses qui m'énervent. Les gens qui parlent au cinéma. Le cinéma en règle générale, je sais pas ce que j'ai. Autant dans le métro, je m'en fous quand on me colle, quand tu vois, j'ai pas ces trucs qui peuvent énerver les gens. J'aime bien quand on me colle. On peut se frotter un peu sur mon genou. Prends le métro, genre de pointe uniquement pour que les Bah là, les grèves, tu t'es régalé. En cas de stress, faut faire des vannes, quoi. Tu fais tout le temps des vannes. Jusqu'à voir si vraiment le mec en face de toi est con, mais sinon. Moi je commence par une blague. Mais moi le cinéma, le problème c'est que tout m'agace très vite. Et, par exemple, la dernière fois, juste un mec avait ramené un Burger King au cinéma. Ouais, l'odeur. Donc l'odeur est relou. Mais moi il y a tout un truc où je me dis. Mais non, justement, donc je me dis. Il avait caché. Les bâtards, ils ont dû le cacher dans leur sac à dos. Ça m'énerve encore plus. Je fais, ah ouais, vous avez caché en contrebande un Burger King. Comme des terroristes. Et t'es pas allé les dénoncer? Bah non, il fallait. Je l'ai dit à ma meuf. Faut dénoncer. Non, mais je l'ai dit à ma meuf. Faut dénoncer, Florent. Faut dénoncer les gens. Je dénonce pas assez. Il y a un cinéma comme ça, je crois que c'est au Texas, où genre, je crois, t'as un boîtier. Tu peux commander sur ton siège et tu peux balancer des gens qui se comportent mal et genre s'il y a Weinstein plus de... il est tombé comme ça au Cinoche. Non mais s'il y a plus de temps de plainte et tout, il y a les gens du cinéma qui viennent qui fait bon écoutez vous dégagez et tout et le mec est banni du cinéma. C'est un genre de jeu de rôle mais devant un film. Moi j'ai vu une baston. Mais moi j'adore ça moi personnellement. J'ai vu une baston au cinéma moi. Et ben moi une fois j'étais à l'avant-première de Gun au cinéma, enfin de Alita, et il y avait un gars derrière moi mais qui arrêtait pas de bouger avec ses et c'était toi en fait. Ouais. Moi un jour je suis allé voir un concert de Chris Cornell et j'étais avec un peu et donc c'était à l'Élysée Montmartre et j'arrive et puis bon j'aimais bien Chris Cornell mais bon je suis là, vas-y fais ton concert. Moi, j'étais avec un pote et j'avais pas vu mon pote depuis longtemps et j'étais ah ouais putain c'est excellent et tout et donc on parle et tout et j'étais ah ouais machin et tout et Chris Cornell il jouait là, et tout et mon pote je dis ouais machin et à un moment il y a un mec derrière moi. Mais vraiment, il arrive et il met sa bouche vraiment à 10 cm de nos oreilles, parce que de mon pote et moi. Il fait, mais putain, là, on va faire le moteur, le corps, le tir, le tir, le tir. Et donc, t'as 40 personnes qui se retournent. t'as Chris Cornell, ses yeux qui se détournent légèrement au milieu de la salle pour te dire tiens, il y a un gars qui s'énerve là, et se faire engueuler parce que tu fais du bruit pendant c'est un concert. Horrible. Pendant un concert, ouais. C'est un peu dur. Mais un concert, il y a droit parce qu'on sait qu'il se passe rien. Désolé, il se passe rien. Non, mais t'étais au fond de la salle. Non, t'étais relou. T'étais relou. Mais je suis relou, moi. Et puis tu leur as dit, c'est pas comme s'il allait mourir demain, ce gars. Non, mais il est mort bien longtemps après. Mais à ta décharge, toi, tu croyais que c'était un concert de Corneille. Ouais, Chris Cornell. Donc t'étais hyper déçu et du coup t'as parlé. Moi, quand j'étais gamin, j'avais fait un concert d'Indochine avec mes parents et ma mère se prenait la tête avec les gens qui voulaient passer devant pour danser. Sauf que il y a un truc où bah laisse les passer parce qu'ils vont sauter, danser. Ouais. Ta mère dansait à la base. Non, ma mère elle était là genre et vous passez pas devant. Et tu vois, bah, c'est un concert, on s'en fout un peu qu'ils aillent danser. Tu vois, il y a un truc un peu. Ma mère elle était là, ouais, mais on arrivait avant. C'est ça exactement. Il y avait un truc de je suis là avant en fait, donc vous n'avez pas à passer devant. Ça me révolte ce que tu racontes. Mais je te vois, t'es pas bien. Ah ouais non, mais surtout c'est que j'ai le soleil dans le dos depuis tout à l'heure. Pour quelqu'un qui aime pas trop la chaleur, je peux dire que ça tape copieusement là. J'avais mis un petit drap qui s'est cassé la gueule. Ton dos est bien chaud effectivement. Je suis sincèrement désolé. Je vais aller le remettre pendant que vous parlez un peu. Tu peux, aucun problème. T'inquiète, je t'imiterai. T'y arriveras jamais Thomas, j'ai bien peur. J'ai bien peur que ce soit difficile. Ouais, non. Je tiens. Est-ce que tu veux qu'on échange de place? On peut faire ça. Coincé dans la fenêtre, non? Vas-y. J'allais dire Julien. Wow. J'allais fabriquer un truc avec une épingle à cheveux, comme dans les films. Non, je te jure, je le fais tout le temps. Regarde, tu fais je suis hyper bricoleuse. Il y a Thomas qui est à côté de moi. Du coup, à côté de l'ombre. Ça y est, tu n'as plus Tobin pour te faire de l'ombre et on est sur toi. Ouais, parfait. Tu as la bonne franquette. Ah, c'est bonne franquette. Ah, tu peux pas faire ça chez France Inter. France Inter, tu gardes ta place. Moi. C'est pas possible. Et enfin, le Discord. Alors, il y a un Discord de l'émission. Le Discord de Thomas, c'est comme une espèce de forum en tout cas. J'aime bien comment tu dis ça direct à Thomas. Mais non, parce que je pense que tu allais demander Discord. Non, c'est la première fois que je viens dans l'émission. Bah ouais, je connais pas. Ouais, moi aussi, je suis hors sujet. Alors, Discord, je connais pas non plus. Bah, en fait, voilà, c'est comme un forum où les gens qui écoutent l'émission peuvent discuter avec nous et aussi entre eux. Okay. Et certains nous envoient des news pour que j'ai encore moins à travailler, puisque déjà je le fais pas beaucoup. Okay. Si je peux le faire encore moins, c'est cool. Quelqu'un a voulu kidnapper le président Emmanuel Macron. Ouais. Le macaron, comme on l'appelle. Attends, hein, dans les merdias. Waouh. Ouais, bah, tu sais, ici, tu sais pas où t'as foutu les pieds, Thomas. Trump et orange et Macron, c'est macaron. Merci. Alors quoi? Il y a des problèmes ou quoi? On va se régaler. Hein. Ouais. Un peu sucré à mon goût le macaron, ce que je veux dire. Quelqu'un a voulu kidnapper le président Emmanuel Macron, on n'en parle pas dans les médias. Et pourquoi, selon vous, a-t-il voulu kidnapper le président Macron? C'est vrai, il y a vraiment quelqu'un qui a voulu kidnapper. C'est dans le Puy-de-Dôme. Ouais, quelqu'un a voulu le kidnapper. C'était cette semaine. Quelqu'un a voulu le kidnapper dans le Puy-de-Dôme ou le Puy-de-Dôme est un journal? Non, le Puy-de-Dôme. le Puy-de-Dôme est une ville. Et non, le Puy-de-Dôme, c'est un mec. Oui. c'est un mec qui était dans le Puy-de-Dôme et qui a dit il faut que je kidnappe le comment il a tenté, il a fait hey, monte. Macron était là-bas. Il avait pour but de le faire mais il ne l'a pas fait. Je pense que oui, voilà. Il a même pas essayé de le faire. Pour que les médias n'en parlent pas, c'est que le mec n'est allé nulle part. Son projet est tombé assez vite. Oui, c'était une idée quoi. Il avait un pitch. Marrant si je. La question c'est pourquoi voulait-il le kidnapper. Puis il s'est dit ah non. Oh non, la flemme. La question était est-ce que pourquoi a-t-il voulu kidnapper ça? En fait, en gros, il l'aimait pas trop déjà, je pense, de base. Quoi. Dès que tu dors, tu kidnappes les gens. Ou il l'aimait trop. Il voulait vraiment la manger. Il l'aimait trop qu'ils sont en grève. Oh, l'aimait trop. À cause de qui? Oh, putain, j'avais jamais pensé à ça. Merdien. Putain, j'avais jamais pensé que les métros, ouais, c'est les métros comme à Rémur Sébastopol. Ça c'est classe. Et est-ce que c'était parce qu'il avait des idées à lui faire. Rien à voir avec les idées politiques d'Emmanuel Macron. Attends. En fait, c'est la présidence. Il voulait lui donner des idées politiques. Non. C'est ce que je viens de dire. En fait. C'est un ex de sa femme. Non, c'est pas un ex de sa femme. Est-ce que c'est pour une raison plutôt sympa ou plutôt il veut aller lui tirer les oreilles? Il voulait lui tirer les oreilles, mais bizarrement pas à cause de ses idées. Il voulait mettre des fessées. Alors, ça peut être lié. Il est un peu excité, non? Non, c'est pas. L'écologie, pas non, rien. Rien à voir. Aucune idée politique. Vraiment rien. Il voulait lui faire à manger. Il voulait lui faire essayer ses chaussures, peut-être. Parce qu'il a déjà Macron, faut qu'il essaie mes gros. Non, mais donc. Je vais le kidnapper, je vais le forcer à une rançon. Une rançon? Pas une rançon. Mais attends, ça n'a rien à voir avec la politique. Je vous le cache pas, c'est très difficile. Franchement, c'est très difficile parce qu'il est fou en fait. Alors, c'est lié à la folie. Ah, il pensait que c'est le diable incarné. Un reptilien? Non. C'est un reptilien. En fait, cette personne affirme avoir été envoûtée par le chef de l'État. C'est-à-dire genre marabouté quoi. Marabouté par Emmanuel Macron et du coup il a fait part donc il a appelé l'Élysée et il a fait part de sa vive intention de kidnapper et torturer le président de la République. Ah, ouais, donc il a prévenu gentiment, il a fait bon écoute. Ça dit c'est la procédure hein. Tu es envoûté par une personne, tu la kidnappes, tu la tortures. Il pense que il a été envoûté par Macron. Ouais. Du coup, il se dit bah faut que je le tue, faut que tu me attends. s'exorciser lui-même en tuant Macron. En kidnappant et en le torturant. Ah, en il voulait pas arrête. Tuer. Non, il voulait. Non, parce qu'il est sympa. Genre, il voulait arrête de m'envoûter. Il a pas fait du coup. Comment on est au courant de ça? Il a écrit sur son blog. Non, il a appelé l'Elysée. L'Elysée, je pense qu'en règle générale, si tu dis je vais tuer Macron, surtout en ce moment, ils sont. Oh, bah, peut-être t'envoyer les flics. Tatillon sur la question. Cela dit. Non. Moi, j'ai déjà été envoûté par Jean Benguigui et c'est galère, donc je peux comprendre. Ça s'est réglé à l'amiable. C'est vrai, en plus, tu m'avais raconté. Ouais. Ça s'est réglé à l'amiable, j'ai pas eu à le kidnapper. Avec Jean, t'as appelé Jean? Ça s'est réglé à l'amiable avec Jean Benguigui. Oui, bien sûr. Oui, voilà. T'as contacté. Oui, j'ai appelé, je lui ai dit écoute, arrête maintenant tes conneries. je lui ai fait un tweet. Et il a dit ok, j'arrête. Et le lendemain, c'était réglé. Ah, ça peut se régler voilà, sans violence quoi. Ouais. Petite rivia, Jean Benguigui qui fait la voix de Joe Pesci dans la VF des Affranchis. Oh. Et voilà, petite rivia. Oh. Eh oui, un peu surprenant quand qui vous le mon frérot. Ton frérot de sang, tu as joué, Adrien a joué avec Jean Benguigui. Jean Ben Double Guy, comme on l'appelle dans le hip-hop. Hein, dans une série Disney Channel qui s'appelle Like Me. Okay. Et à un moment, il y a Jean Benguigui qui arrivait. J'étais dans la même... enfin, j'ai joué avec lui, j'étais dans la même pièce. Quoi. Okay. On n'a pas de réplique ensemble et tout. Voilà. Parce que Disney a racheté Star Wars, Marvel et Adrien Méniel. Et Jean Benguigui. Mais les gens parlent moins. Là, tu mets sur le cul que c'est lui qui faisait la voix de Joe Pesci dans Les Affranchis. Parce je te jure, c'est vrai. On se souvient de. Ah non, putain, je confonds avec L'Arme Fatale. Où je trouvais que dans L'Arme Fatale, il avait une voix rigolote en français, oui. Joe Pesci. Mais là, c'était. Ils nous enculent, ils nous enculent, pour citer la réplique culte. Du McDo, là. C'est ça, ouais. Ils nous enculent, ils nous enculent. Les amis, deuxième petit jeu, et ensuite, on fera les questions des auditeurs. Il y a un petit jeu parce que. Je sais qu'il y a des férus. C'est un Cluedo, une bonne paye. Je sais qu'il y a des férus de musique autour de la table. Il faut savoir que ce jeu m'a été inspiré par un statut Facebook de Thomas VDB. Mais quoi? Mais ouais, tout ça. Hey, c'est moi. Il est là, putain. C'est moi, Thomas VDB. Bah oui, parce qu'on est amis Facebook, voilà. Et tu parlais des noms de groupes un peu nuls. C'est mon verre. Voilà. Et je me suis dit, je vais vous donner. C'est un jeu qu'on a déjà fait avec Dedo, Yacine et Shirley il y a quelques émissions. Je vais vous donner des noms de groupes. Ouais. C'est à vous de me dire s'ils sont réels ou inventés. Ah, ok. Voilà la manière. Alors, sachez qu'il y a des trucs français, il y a des trucs un peu de métal, parce que les métalleux, c'est ceux qui sont les plus inventifs en termes de noms de groupes. Si je vous dis les Passages Cloutés. Oh, c'est vrai ça. Attends, c'est un truc du si c'est vrai ou faux, c'est un vrai groupe. Après, si t'es allé taper dans des affiches de festivals dans les Landes et tout, c'est obligé que ça existe. J'ai essayé. C'est quand même en Google vrai, quand tu le mets. Moi je dis c'est vrai et c'est des punks français, je dirais. Je connais pas moi. Moi je dis que ça existe pas parce que j'ai entendu parler, mais je serais pas étonné que ça existe quoi. Mais c'est pour moi je dis ça existe pas parce que ils sont passages, ils ont des trucs de clous et tout, bien sûr. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est en deux mots, non? Passage clouté. Ah, bien joué. Alors là, oui, ça existe. Ah oui, c'est un jeu de mots, oui. Vous me demandez. Ça n'existe pas. C'est exactement ce que je disais. Je suis sûr que ça existe. Je l'avais écrit comme tel. Je propose qu'on le monte tout de suite. On le monte tout de suite. Je fais de la batterie. Les Insus. Ah, ça existe. Alors d'ailleurs, vous savez d'où ça vient? C'est pour ça que je vous le propose. Insupportable. Les Insus, voilà. Parce qu'en fait, c'est les anciens téléphones. Les anciens téléphones. Aujourd'hui, ça s'appelle les Insus parce qu'il n'y a plus Corinne Marienno dedans. Et donc, ils n'ont plus le droit de garder le nom. Et donc, comme c'est exactement ce que tu as dit, Adrien, en fait, comme c'est les Insus, c'est l'abréviation des insupportables, le portable, le téléphone. Et donc, de là, ils se sont dit, on va s'appeler les Insus. On retire le téléphone. On met les portables. Waouh. Bah, c'est chambé. Et c'est fou parce que même quelqu'un qui est fan de ce groupe, s'il apprend cette anecdote, il va beaucoup moins aimer le groupe. Mais je cherche un autre mot qui finit par portable afin de faire un jeu de mots. Mais j'avais transportable, mais. Les trans? Mais non. Du coup, ils peuvent pas trop. Ouais. Voilà. Mais leur concert, ils passent une heure et demie à raconter le nom de leur groupe en fait. Parce que c'est long à faire. Ouais, voilà. Ouais, parce que les Insus, portables, et nous on était téléphone avant. Enfin, c'était dans les années 80. Hein. Et comme mais on a changé de moyen de communication. Il y a quelqu'un qui fait quoi? Je comprends pas. Mais si, téléphone portable, putain. C'est horrible. Ouais, donc c'est dur qu'ils aient eu cette idée. Les Ella Salami. Mais non, bien sûr que ça existe. Léa Salamé. Voilà. Non, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Moi je pense que ça existe malheureusement. Vous pensez que ça existe ou pas? Moi je pense que ça existe. C'est un groupe parodique qui fait des petits concerts à Arcachon l'été et qui est là genre oui, ta voisine elle est bonne. On déteste la province, on peut le rappeler dans ce podcast. Non mais j'y vais tout le temps, ils font du ska, je les connais. Dites-vous que ça existe. Mais voilà. Mais que ça s'appelle les LA Salami et que ça n'a rien à voir avec Léa Salamé. Absolument rien. C'est un petit groupe américain. Voilà. Vous voyez, on voit pas le rapport avec Léa Salamé. Aucun rapport avec Léa Salamé. Ça c'est peut-être bien un peu, Thomas, je pense. Là j'aime ça. Là on fume un gros joint, mon gars. Ah ouais, là mon gars, tu planes. Direct, tu planes. Les Amériques Caron. Non. Du coup, non, pas du tout. Non. Les Ce sera tout, merci. Bien sûr que ça existe. Ça doit malheureusement exister. Ah, attends. Bien sûr que ça existe. Ouais, non, ou alors c'est un c'est jeu de mots avec un nom. Ah, allez, je vais dire non, moi, pour le. Pour le c'est sport. Faux, ça n'existe pas. Là, allez, ce sera tout, merci, n'existe pas. Ouais. Et ça, ça annonce une blague après, non? C'est pas ouais. ça? Pas du tout. C'est tout pour moi? Pas du tout. Il y a aussi des groupes de métal américains que j'ai traduits en français. Okay. Ah, voilà, c'est... Bah écoute. Attends, mais du coup. Bah j'en fais qu'à ma tête. Ça, hein. ça me perturbe. Okay. Les trois façons de juter. Attends, trois façons de juter. Les trois façons de juter. Three ways to come. Oui, le fait que tu aies dit juste avant. Ou alors j'ai c'est traduit... un piège, souviens-toi, le théâtre. Bah ça existe. Non, ça existe. Oh, j'espère que ça existe pas. Hein, mais Pourquoi? Bah parce que c'est vraiment le mec qui s'est dit ok, je suis pas. Il y a trois façons. Ah, mais déjà, je veux savoir c'est quoi les trois façons. Bah, c'est ça, moi j'en vois deux. Mais c'est peut-être le nouveau groupe, le nouveau nom de trois cafés gourmands. Trois façons de juter. C'est comme téléphone, ils sont séparés, ils ont dit on peut plus s'appeler trois cafés gourmands, ils ont dit trois façons de juter. Bah c'est pareil. Bah, mais juter, on le dit encore beaucoup ou pas enfin, ici on le dit, si on adore juter. Ouais, ouais. Si on adore juter. On dit juter, big loucheur, on dit tous ces mots. Ordos. Ordos. Et bah oui, ça existe, ils ont fait l'album Battle of Opinion et c'est du métal. Three ways to come. Three ways to come. Alors. C'est pas juter, hein, c'est un peu. Oui, c'est jouir. Ouais, oui, général, un peu ouais. homme ouais. centré. Hein, écoutez, les... c'était plus rigolo ouais, juter. C'est enfin, vrai, va. Les femmes jouent beaucoup plus rarement ouais. parce que les hommes s'y prennent très mal, mais elles jouissent quand même. Hein, oui, j'ai entendu parler de ça, oui, j'en ai entendu parler. Ça ne juge pas. Oui. Les vous prenez la carte. Non mais non, je pense mais que tu ça vois c'était pas. Ça ton ce sera ouais, tout merci là. Mais tu quoi mais allez, quoi, je suis un livre, mais en anglais, je suis un livre quoi, ouvert à tes yeux. Là je pense que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Parce que après il va nous dire un truc, on va dire mais non, et il va dire eh si c'est vrai. Eh, ouais oui. C'est ça, c'est le fameux ni oui ni non. Tu peux te calmer en fait. Mais je te connais. T'es insu. Mais t'es insu. À la manière de Jean-Louis Aubert. T'es insu. Tu es insu. Je connais six façons de juter mon. Par dessus les pôles. Par-dessus les pôles. C'est par-dessus ouais, les pôles, ouais, mais c'est ouais, l'épaule. Il y a sûr, plusieurs mecs qui s'appellent Paul. Beyond the pole. Non, là, c'est pour le coup, c'est un groupe français. Par-dessus les pôles. Par-dessus l'épaule et les pôles. Si, ça existe. Les pôles nord, pôle sud. Non, les pôles, un mec qui s'appellerait Paul, comme les sandwicheries Paul, par exemple. Bah non, c'est pas possible. Par-dessus les pôles. Ça existe, bien sûr. Moi, pour moi, c'est 100%. Attends, c'est un jeu de mots. Les mecs ont brainstormé, bien sûr. Oui, c'est ça, il y a un jeu de mots par-dessus les pôles. Ça existe. Eh bien, non. Ça n'existe oh pas. Bah non. Non, mais non, pourquoi je n'écoute pas, et bien sûr que non, bien sûr que non. On peut pas aller si loin dans vraiment dans la. Mais non, mais c'est chacun pour soi, hein, bon, donc tu as gagné. Ah ok. Calme-toi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Qui compte les points là? Personne. Les auditeurs. C'est quoi le score depuis le début de l'émission? Juste si c'est drôle ou pas. C'est que des devinettes. On sait même pas qui c'est. C'est les auditeurs. C'est les auditeurs qui choisissent. Ah ok. Mais après, s'ils votent pour toi, tu gagnes un truc. Ah yes. Un DVD de Kaamelott. C'est classe. Moi, tout ce que je veux gagner, c'est que ce soit enregistré. Ce qui sera déjà un beau cadeau. Jus fétal. Oh, ouais, fétal juice. Ouais, fétal juice. Qui, n'est, qui est un film de Tim Burton aussi, je oui, crois. Oui, la suite. Ça a probablement existé. Ah, bien sûr que ça existe, oui. Ça existe, effectivement, oui. Ça existe. Pareil. Du métal. Bah, jus du métal. Oh. Ça ressemble beaucoup au groupe qu'on a fait avant. Ouais. C'est pas le même extrait, donc. C'est vrai que non. Les gens qui adorent le métal, ils disent toujours ouais, le cliché, genre toutes les chansons se ressemblent. C'est vrai. Désolé, mais c'est vrai. Ouais. Et attends, Flaubert, moi j'ai une question. Je sais que t'as écouté beaucoup de métal. T'en écoutes encore beaucoup ou pas? Bien sûr. J'en écoute un peu encore. Il va au Hellfest, le gars. Moi, et toi, Adrien, t'écoutes du métal encore? Jamais. Non, jamais. C'est ton frère qui écoute du métal. Qui jamais? Ouais. Oh, les ça, c'était dommage. Non, mon frère adore le métal. Ton frère est fan de métal. Moi, jamais, ouais, quasiment. Mais c'est quoi c'est quand la dernière fois que t'as écouté du métal, Flaubert? Cet après-midi, ce matin, je pense. En montant à un meuble Ikea. En montant, ouais. Non, si, j'en écoute au sport. Je pousse comme un bâtard. Quand je cours et tout, ouais, ça m'aide un peu. Ouais. Ça m'aide un peu. Mais en fait, c'est plus un truc nostalgique en vrai. J'écoute pas du nouveau métal. Ouais, c'est ça. Oui, t'écoutes des trucs que t'écoutais en métal il y a longtemps. Ouais, par exemple, tout le monde adore Gojira. Il paraît que c'est chambé. Ouais. Mais je n'écoute pas, ça m'intéresse ouais, pas de ouf. Parce que j'ai pas grandi avec, je pense. Du coup, ouais, t'écoutes Kyo quoi. Ouais, exactement. Un truc un peu vénère quoi. Sur le vélo elliptique. Un truc qu'on voit. J'écoute Linkin Park, Evanescence. Et je me mords sur le vélo elliptique. Mais il faut savoir que c'est un groupe de vieilles, Fetal Juice. Donc c'est un peu rigolo. La chanteuse qui gueule. Qu'on entend, c'est une vieille dame. Eh ben oui, non, bah mais donc, vieille dame, c'est-à-dire. Mais... C'est une vieille, ouais, c'est une vieille ouais, plus de 70 ans. Non, ah, enfin, plus de 70 ans. On va aller se renseigner. Est-ce que bah, quelqu'un écoutez, a une anecdote sur remets, le jus fétiche? Remets l'extrait. Oh, là, tu m'en demandes beaucoup, ça tu demande mens. De la technique. Tu mens, je pense. Bah écoute. Ça, c'est une dame de 70 ans. En tout cas, sur le clip, peut-être c'est un effet. Mais elle est aux toilettes. Mais évidemment, t'es énervé quand t'écoutes ça. Tu m'étonnes que t'aies envie de taper. Justement, tu pour moi, elle est envoûtée par Macron, je pense. Les écureuils qui puent. Ça existe. Ouais, Stinking Quirrell. Alors d'ailleurs, j'ai un pote qui avait un t-shirt. Leur t-shirt promotionnel, je le connais. C'était Les écureuils qui puent m'a tué. Et ils avaient refait la même truc écrit que Omar m'a tué. En français, ça existe, les écureuils qui puent, ça existe. Ah, ok, je pensais. Et donc, c'était les écureuils qui puent m'a tué. Et j'étais là, j'ai envie de la voir. Effectivement, c'est du punk français. L'album s'appelle Les autres peuvent crever. Et parmi leurs titres, on peut retrouver Evelyne Delia ou Les vieilles ont des gros seins. Qui sont des bons titres. C'est génial. Qui sont des bons titres de chansons. C'est génial. Et vous connaissez Analcunt? Donc il y a un groupe de grindcore anglais épouvantable, anglais ou américain d'ailleurs, je sais même plus. Il faut pas écouter, il faut juste aller sur Spotify ou Deezer pour lire les titres de leurs chansons. C'est quand tu t'en fais 100 d'affilée, t'es étourdi au bout d'un moment. Les titres des chansons, c'est genre ton groupe préféré est Supertramp. Ça c'est le titre d'une chanson. Où il y a un autre morceau qui s'appelle Tu es décorateur d'intérieur. Et c'est juste des trucs comme ça, donc c'est vraiment assez drôle à lire. Les Nelson Montfort Orchestra. Bien sûr que ça existe. Ouais, ça doit exister ça. Ah ouais, allez. Ouais. Ça existe, ça existe. C'est eux qui sont derrière la chanson Le 100 mètres partout, Le cyclisme s'applique ou GRS SS. Bon titre, tu sais. J'ai vraiment hâte d'écouter tout ça là. Agrafe mes couilles sur la fontanelle d'un bébé. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et après, on fait une petite session ska parce que le ska, ils aiment bien les jeux de mots. Les Charles Pasqua. Yes. Ouais. Putain. Oui. J'espère. Mais il faut la tourner. Sinon, je le crée. Bah, il y a un peu de fierté dans son regard, donc je vais dire non. Ah, mais bien sûr. Non, ça n'existe pas. C'est une blague qu'il a inventée. Mais Pasqua, le grand frère, tu vas tous nous les faire. Celui-là est mieux que tous ceux que j'ai écrits. Les Bronzés font du ska. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça existe. Les Pasqua Légitimus. Non. Non, ça n'existe pas. Écoutez, très bien joué, bravo. Oh là là. Bravo. Alors on passe aux questions des auditeurs, parce que j'ai annoncé aux auditeurs votre venue. Il y a les Roman Polanska. Les Roman Polanska. Ont un peu une chute de qui joue moins. De popularité, qui joue un petit peu moins. Oui, les auditeurs, grâce au Curious 4 de l'émission, peuvent vous poser des questions. Et ils l'ont fait tout simplement. Thomas VDB. Nous t'avons vu dans la série Netflix avec les fantômes, tu avais l'air de t'en battre les couilles, la prod était-elle ok sur le fait que t'en aies autant rien à foutre ou était-ce un peu le truc de... Jusqu'à l'aube, ça s'appelle. Ouais. Jusqu'à l'aube. Qu'on a fait avec Poulpe et Bérangère Krief. Si vraiment tu t'en bats les couilles, je vais regarder ce truc. Alors, en fait, faut savoir qu'on a été avec Poulpe et Bérangère les premiers à tourner cette émission. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a 10 qui ont été tournés et nous, on est arrivés en premier. Donc, on essuyait un petit peu les plâtres et on est arrivé. La pointe nous a dit ok, bon, au début, tu sais pas du tout où tu vas, tu prends un train et on arrive dans le Périgord. Oh là là. Ils disent ok, on commence à tourner soir à partir de 10h. Et là, les mecs sont là bon, à partir de 10h ce soir, on va dans le château, on vous le dit direct. C'est un peu flippant. Hein, c'est un peu flippant, et nous on est là, pourquoi c'est flippant, c'est un château la nuit quoi. Et donc on arrive, et on se disait, mais est-ce qu'on va, comment ils vont réussir à nous faire tu vis dans un château, donc du coup tu ouais, sais ouais, plus, ouais, ouais. Plus, moi j'habite dans un château. Et donc, mais tu te dis, mais comment ils sont persuadés à ce moment-là qu'on va avoir peur, sachant que moi je crois pas trop aux fantômes et tout ça quand même, tu vois, ça se saurait si on avait régulièrement. Surtout si pour un tournage c'était prévu, oh non, on a dit aux fantômes de venir à 11h du soir. Surtout midi, et tu rentres dans un château déjà, donc la nuit. Et là, quand tu rentres dans la pièce, déjà t'as deux cadreurs qui te filment, et donc t'es là, mais là il y a deux intermittents à côté de nous, ils ont pas peur. Donc si tu veux, grosso modo, non, on n'a pas eu peur du tout. On a tourné en rond dans ce château une bonne partie de la nuit parce qu'en fait ils étaient là, allez essayer de convoquer le maître des lieux au troisième étage, il faut que tu montres et que tu fasses du spiritisme. Et j'étais là, oui, je veux bien, mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. et donc j'y vais et puis je reviens, j'y vais, il n'y a rien eu, hein, mais ça ne m'étonne pas davantage que ça. Donc en fait, effectivement, on a tourné pendant une nuit. Et le lendemain matin, tu sors du château, il y a des équipes de Netflix qui arrivent. Alors, t'as eu les chocottes ? Bah écoute, désolé de vous dire que pas du tout. du tout, nullement. Et donc, je vais regarder. Je pense qu'ils ont été un peu déconcentrés. Elle a pas un peu essayé, elle était pas un peu à donf. Elle y croit un peu, mais en plus. Ouais, mais elle est dans un truc un peu. Avec vous deux. Mais Poulpe, il a fait des émissions de crac-crac aux États-Unis où il s'est fait. Il me dit, non, mais attends, il m'avait dit, bah attends, je me suis fait branler par un fantôme, moi. Et donc, en vrai, il me dit, si, je te jure, j'avais senti de la chaleur. Une fois que t'as vu ça, à mon avis, t'es proche d'eux et t'as pas. Et donc, j'étais là. Et donc, mais Poulpe, il me dit à un moment où mais c'est juste bandé, ça branlé par un fantôme, c'est bandé. Ouais, ouais, dès que je suis devant un porno, putain, je me fais branler par un fantôme, c'est incroyable. Dès qu'il y a une meuf un peu excitante. Et donc, en fait, Poulpe dit avoir senti des effets de chaleur et tout à un moment quand tu vois l'émission, mais t'es là, mais non, mais je un pense courant que d'air chaud dans ta tête. Dans ta tête. Voilà, donc non, on a eu zéro peur. Moi, je me disais, ça se trouve, c'est Netflix qui met genre des petits radiateurs, vous le sentez là, c'est un peu chaud, non? C'est derrière un drap, la Scooby-Doo. Un peu nul, t'es presque obligé de devoir faire ça. C'est froid, donc. Nulle peur, toujours nulle peur là. Tel cadreur qui fait je vais te tuer. On vous voit, non, monsieur, c'est ridicule, vrai. C'est ridicule. Je tiens à dire, Thomas, en fait, on m'avait proposé de réaliser cette émission. Ah, c'est vrai? Ouais. Pourquoi t'as dit non? En fait, je trouvais le concept cool, vraiment. Je leur ai dit, ils me disaient, alors En fait, je crois qu'ils ont changé le concept au fur et à mesure des émissions. Vous étiez les premiers, mais je leur ai dit. À la base, c'était des tueurs en série. Non, mais non, c'était beaucoup plus flippant. T'étais en prison. Il y aura des trucs, vous allez leur faire peur, donc. Enfin, il y aura des événements. Ouais, ouais. Ils disent, bah non, ce sera les fantômes qui vont le faire. Enfin, eux-mêmes vont. D'accord, ils y croient vraiment. Vraiment, vraiment, ils voulaient pas tricher. Non, mais c'était tout à leur honneur, c'était de dire, on veut pas tricher dans le premier, peut-être à présent tricher. Ils ont dit, on veut pas tricher, on veut que les gens ressentent des choses, on veut que ce soit naturel, on veut pas que ce soit fake et tout. J'ai fait. Bah, c'est courageux et bon bah en fait c'est comme mais... c'est, en fait quand et je après, me suis quand vous, j'étais là que ça marchait pas, j'avais l'impression qu'ils voulaient que je sois un mec de Fort Boyard qui est devant le père Foura qui dit non mais il a vraiment 250 ans. C'est vraiment le truc tu vois ben non on sait que c'est un peu du fake mais attends ça, mais ils ont pas regardé avant toutes les vidéos YouTube de chasseurs de fantômes où il se passe rien, jamais. Mais après, je crois qu'ils ont joué. C'est juste les gens qui disent s'il y a un fantôme, vous pouvez me parler. Et il se passe rien. Ils sont genre oula, c'est quand même, il y a une atmosphère étrange. Vous pouvez pas le ressentir. Non, mais là, ils se sont dit que c'était pour les mecs. Non, mais après, ils se sont dit que c'était pour Netflix. Donc peut-être les fantômes ils vont venir quand même. Ah, Netflix, c'est classe. On est à Scorsese. On peut pas avoir 2-3 fantômes quand même. Non, mais après, ils ont joué un peu avec le concept. Parce que moi, j'en ai vu un ou deux autres. Parce qu'il y avait d'autres gens que je connaissais. Et genre, ils leur font faire allez, faites-vous enterrer vivant et tout machin. Et vous allez sortir des trucs. Tu parles un peu pas. Vous poignardez. Ah ouais là j'ai peur là. J'ai peur parce que je suis hémophile en plus. Oui, on l'avait dit hein. Non mais voilà, tout ça pour dire que ils voulaient vraiment que les choses se passent, ils voulaient vraiment que vous ayez peur, ils voulaient pas tricher. Ouais. Et ils bon, voulaient pas bosser quoi. Non mais je crois pas que ça fasse un truc nul à regarder. Enfin en tout cas l'épisode qu'on a fait nous, non, c'est, je marrant. C'est marrant à regarder ah, mais c'est marrant. Tu vois vraiment des gars quoi. Bah si tu t'en branles oui, c'est marrant quoi. Quand tu piques dans la régie et tout, c'est drôle. C'est quand même marrant à regarder. François, quid de la suite de Mystère à Saint-Jacques? Ah, ouais, vont le dire aux auditeurs si jamais vous ne connaissez pas. Improvisation, podcast d'improvisation dans de lequel tu apparais. Voilà, j'ai eu la chance d'apparaître. Et ben, j'aimerais reprendre très bientôt. J'espère pouvoir le reprendre. C'est en cours d'imagination. Voilà, c'est joli, c'est très abstrait. Mais... Ouais, mais en cours d'imagination, je trouve ça joli. Une question pour Ambre. Ambre, on t'a vu dans beaucoup de comédies. Ouais, et on t'a vu aussi dans des trucs un petit peu plus sérieux, sur des Nikon Film Festival par exemple. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu très peur d'être sérieux, t'as fait waouh. Ah bon, j'ai fait un des trucs. si, je te jure. Et est-ce que tu préfères jouer la comédie ou plutôt des trucs un peu sérieux? C'est toi qui l'as fait cette question. Ah non, je te jure, on l'a posée. Attends, regarde, elle est ici. Alors, j'ai le complexe. Tu... Non, c'est quelqu'un qui t'a vu. Et j'ai pas dit toute la question, mais qui t'a vu chez Swann Périssé et chez Sandy Joubry. Voilà. Oui. Tu vois, moi je ne le savais même pas que tu avais fait des trucs avec Sandy, donc tu vois, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'était il y a fort longtemps, en 2012. Voilà. C'est quoi la question? C'est des playlists si tu pour préfères, les animaux. Non, si tu préfères, tu préfères faire des trucs sérieux, si tu préfères la comédie. Mais j'attends mon Ciao Pantin. non, j'aime bien, j'adore les deux. J'adore les deux, vraiment. Mais par contre, je suis très curieuse de faire du drame, j'ai trop envie, quoi. Trop envie de faire la Babtou. Non, mais voilà, mais c'est un truc qui touche pas forcément tout le monde. Ah toi, ouais, Thomas, t'aimerais bien faire des trucs un peu. Tu vois, je suis hyper mauvaise, mais c'est pas grave. C'est pas mon but, mais après, j'adore mes films, mes films préférés, c'est pas forcément des comédies. Alors, j'ai plein de comédies que j'adore, mais tu vois, un film dramatique qui te touche vraiment et une comédie qui touche vraiment, enfin, un film dramatique, ça va plus loin. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais mieux avoir un super rôle dans un drame qui me plaît. Qu'un petit rôle dans une comédie, tu vois. Mais à côté, j'adore, mais je préfère quand même la comédie. C'est ça que je voulais d'une dire façon en fait. Générale, mais je me mets à la place de beaucoup de réalisateurs français. Je sais pas d'où leur viendrait l'idée de se dire tiens, pour ce drame, on va appeler Thomas VDB. Je pense que c'est bien l'idée dans un polar, par exemple. Le truc aussi, c'est que t'as. Enfin, chacun son rythme. En fait, moi, ce que j'adore, c'est par exemple le jeu de Pierre Niney qui a un rythme de comédie mais qui arrive à faire du drame. Donc moi ce que je trouve cool c'est de pas justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas si c'était là ou si c'était quand on prenait un petit café avant de commencer le podcast, mais je trouve ça cool de pas surjouer le drame, et il y a toujours du second degré comme tu disais François, même dans les drames de la vie. Et moi je pense que j'aurais du mal par contre à perdre cette musique un peu de faire des vannes pendant les enterrements. Mais du coup je trouve ça crédible et je trouvais ça intéressant de finir ma phrase. Enfin, en fait tu veux pas faire ce qu'on voit souvent dans 90% des vidéos de casting de séries télé. Ouais, je veux pas passer dans la voix grave et faire genre il était là hier. Enfin tu vois. Ouais non mais ça c'est insupportable. Bah c'est pour ça que les meilleurs acteurs après de comédie deviennent des très bons acteurs de drame hein, souvent. Enfin, ah bah Coluche hein. Aux États-Unis. Bah, parce que derrière le masque il y a quelqu'un qui pleure. Bah le clown c'est Bozo, mais des fois c'est le clown blanc. Non mais dans la vie, enfin après ça dépend des personnalités, mais moi je ne suis pas dramatique dans la vie, même les pires trucs je fais des mes blagues et j'ai ce rythme. Voilà, c'est comme ça, je suis marrante. Bon, après, il y a les gens. Vous allez faire quoi en fait ? Après, les gens qui font des drames, des fois, sont des gens très marrants. Mais c'est marrant parce que t'as vu, on dit, ah, les comédies. Comédies ou des drames ? Tu sais, c'est comme s'il y avait que les deux, c'était les deux seules choses. Non, mais en fait, je disais drames, c'était plus films sérieux, tu vois, ça va être polar. Bien sûr, film d'action. Film d'action. Bah, mais je ferais bien un film d'action. Bah, les Francis, un peu. Tout faire. De toute façon, dès qu'il y a du taf, moi, je suis chaud. C'est un peu mon piège de cristal. J'ai raté la vanne. Je réécouterai. Non, mais ouais. Ou Délivrance. Ouais, Délivrance. C'est plus un petit plutôt Délivrance. Ça, c'est vrai. Mais quand on faisait Deadland, même s'il y avait des blagues, vu qu'il y avait peu d'effets, on va dire, d'humour, c'était des mecs qui se prenaient la tête dans une situation un peu absurde. On n'essayait pas d'être drôle forcément. Moi, je savais que t'allais être drôle. Pour moi, Deadland, ça marche hyper bien. Enfin, tu vois, tout le côté mystérieux, donc Deadland dans lequel j'ai joué de François. Moi aussi, j'ai joué dedans. Toi aussi, Florent. Pascal. et donc, ça marche hyper bien l'équilibre dans Deadland. Mais c'est vrai que c'est dur à trouver l'équilibre de dans faire Marianne, un truc. Marianne, il y a ça. Ouais, pareil. Et justement, toi, François, c'est aussi une autre question que quelqu'un posait. Est-ce que l'horreur pure, par exemple, c'est un truc qui pourrait te tenter ? Ah bah, j'en ai fait à l'instant. Ah oui, j'ai sorti Dark Stories. Bien sûr. Flora, non, je sais, t'es au courant, toi. C'est qui cette merde qui pose la question ? mais est-ce que je pense que la question sous-entendue, c'est est-ce que ça t'intéresserait sur peut-être un format plus long C'est ce que j'essaye de faire, oui, absolument. Ouais. Mais du coup, j'invite cette personne à regarder Dark Stories dans lequel j'ai fait. C'est sur France TV, c'est ça ? C'est sur France.tv, sur slash. Slash. Tu casses pas le truc avec des petites blagues, des fois ? Alors, un petit peu. Un peu, mais c'est. Mais quand c'est sérieux, c'est sérieux. Des mèmes, il a casé des mèmes. Le drame n'est pas surjoué. Franchement, dans celui avec Slim et Tiffen Davio, il y a 2-3 moments un peu rigolo, mais le reste du temps, c'est censé être extrêmement badant. Et celui avec Dominique Pinon, il est, comment dire, un peu décalé, mais pareil, il est censé être malaisant. Donc, même s'il y a toujours un peu d'humour, c'était ma tentative de faire un truc sérieux, on va dire. Et donc, voilà, j'invite les gens à le regarder. Ouais, parce que c'est sur France Télévisions, mais il y en a sur YouTube aussi. Sur YouTube, sur YouTube. Ouais. Voilà. Thomas, tu fais partie de ces personnalités que tout le monde pense savoir imiter avec Gollum et Orelsan. C'est un peu la même voix que Gollum. Mais c'est vrai que c'est quand je faisais le goyot à côté de Mathieu Madénian souvent. Oui. Et les gens, quand on leur dit, parce que c'est bizarre, je pense que si quelqu'un va voir ma mère et qu'il dit, ah, je sais imiter votre fils. Et que ma mère a dit, bah vas-y. Et que je dis, ah bah attends, je veux dire un truc. Et ma mère a dit, mais il parle pas comme ça, mon fils. Mon fils a eu un accident de bagnole. Je me suis cassé la glotte. Il va bien, donc, depuis, il va bien, vous avez des news. La glotte. Et donc, oui, beaucoup de gens pensent que. Alors, c'est vrai que c'est pas dur à imiter des grognements, de vociférations. Oui, t'as quand même une musique. Est-ce que c'est fatigant au bout d'un moment ? C'était, je crois, la question. Est-ce que c'est flatteur de voir des gens qui m'imitent ? Oh, non, ça me fait mal. Est-ce que tu te dis, des fois, c'est bien ? Des fois, quelqu'un, je dis, ah, je t'imite, et tout le monde rigole, je suis là, ah, enculé. Non, mais c'est vrai que le côté. C'est flatteur, quelqu'un qui t'imite, ça veut dire qu'il a remarqué un truc. Bien sûr. Tu vois, bon, après. Après, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui m'imitent pas non plus. Tu vois. C'est plus rare, ça arrive plus rarement. Parce que là, on se retient de le faire par respect, mais... Non, je l'ai fait 3 fois, moi, depuis. Je l'ai bossé, mais je suis pas... Orelsan a une théorie là-dessus, c'est que tout le monde pense savoir l'imiter, mais il trouve toujours ça à chier la merde. Mais vraiment, à chaque citation d'Orelsan. C'est-à-dire que... C'est vrai qu'il a une voix particulière. Ah oui, mais les gens font comme ça, ils pensent que ça suffit de parler comme ça. Un peu comme ça. C'est ça. Et tout le monde pense l'avoir sur « c'est marrant ». Et donc, moi j'ai assisté à une scène où 4-5 personnes essaient de l'imiter devant lui. Horrible. Il a détesté, tout bonnement. Il était genre, ouais, c'est nul, hein. C'est comme moi avec les sosies, quoi. Ah oui, toi t'as beaucoup de sosies sur internet. Et putain, regarde, j'ai trouvé ton sosie. Et c'est vraiment. C'est horrible ça. Je vous montrerai parce c'est que très je garde Michel Blanc. On m'envoie toujours des actrices porno, ça me vénère. Je jure, elle est brune. C'est bon. Non, mais moi je vous montrerai parce que je les garde en plus. J'ai un album et vraiment, il y a des mecs de 60 ans. Mais qui sort en juin d'ailleurs, je crois. Et je suis genre, mais d'où c'est mon sosie, quoi. François Descraques et aussi un peu Thomas VDB, mais surtout François, des news pour une éventuelle suite de Deadland, peut-être sur un autre support, entre parenthèses, bande dessinée, roman. Réponds un peu, Thomas. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un poser la question en ligne il y a pas longtemps à François et qui a dit désolé. Alors, c'est pas prévu. C'est surtout que il y a plusieurs facteurs. C'est que il faut savoir que la boîte suis de prod. Tu es visiteur déjà. Voilà, déjà. Blague. Il y a la boîte de prod qui a produit Deadland qui a été mangée 3 fois. Dans le sens qu'il a été racheté par une boîte, la boîte a été rachetée par une autre boîte. Donc techniquement, ce qui s'occupe de Deadland n'est c'est Christophe de Chavannes maintenant qui l'a racheté. Mais non, mais t'as raison, ça pourrait l'être, il pourrait ne pas être au courant. Parce que techniquement, donc le Shine France a été racheté par Endemol, qui a été racheté par Banijay. Du coup, il y a quelqu'un à Banijay qui doit l'avoir Deadland, mais sans savoir qu'il l'a, mais c'est pas une blague. Et aussi, petit détail, la chaîne qui avait diffusé Deadland va arrêter d'émettre. Donc, du coup, il y a. Disons que les voyants sont tout pas vert-vert. Voilà. Voilà. Pas au développement voilà, de saison 2. Exactement, voilà. Les voyants, c'est Trump en termes de couleur. Tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, bah pardon. Donc voilà la réponse concrète. Et alors, j'ai une question comme attends, ça, en tant que mec qui a joué dans Deadland. Il a pris la parole comme ça. Fait ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. De toute façon, je suis pas d'accord. Non, mais je trouvais que c'était un son qui avait pas encore été fait dans le micro depuis le début de l'émission. C'est comme. Putain, il y en a pas entendu. T'allais faire exactement ce son. Ah, moi je suis une machine à son. Et donc, attends. François, j'ai une question. En tant que mec qui a joué dans Deadland quand même, je te demande. Comment on peut voir Deadland aujourd'hui? Alors, tu sais comment tu peux le voir? Parce que non, je l'ai appris dis-le-moi. À mes dépens quand je faisais une conférence. Et un jour, quelqu'un m'a dit. Le présentateur me dit donc Deadland disponible sur Amazon. Et j'ai fait non, je le saurais. Il fait bah si, c'est disponible sur Amazon. Et j'ai fait non, je pense pas. Et je regarde sur mon portable, je fais c'est disponible sur Amazon. Ah d'accord, ok. C'est sur okay. Amazon Prime. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Voilà. Que mais donc, tu l'avais annoncé. Je l'ai annoncé parce que je l'ai appris. Le côté transmédia t'intéresse pas de, comme tu l'as pu le faire sur le visiteur, ou est-ce que même ça, ça dépend un peu c'est de là où oui, sur... Ah oui, ça, tu peux rien faire. Je, okay. Techniquement, je ne peux pas le faire de moi-même. Tu peux pas faire Deadland 2, la série. Non, je parce peux que pas. Rappelons que la saison 1 se termine sur un cliffhanger. Mais oui, mais je peux même pas. En fait, il faut que je demande l'autorisation à quelqu'un que je sais même pas qui c'est, qui sait même pas qui je suis. Si tu nous écoutes, fais des numéros de téléphone au pif. Gérard. Non, ah bah je te laisse un autre numéro. Que vous bossiez dans n'importe quelle boîte de prod, vérifiez si vous avez pas Deadland, ça se trouve. Peut-être vous l'avez trouvé. Peut-être vous l'avez. Vous êtes peut-être le producteur de Deadland. Thomas, est-ce que tu as des projets bientôt au cinéma? On t'a vu dans Play? J'étais surpris de te voir, je savais pas que t'étais dedans. Non mais juste, quand t'apparais dans Play, tu voles le film. Et heureusement que c'est pas longtemps, parce que j'étais mais moi je voulais un biopic. Ah, c'est deux scènes. Hein, mais oui, mais. Dans Play. Et tu refais un peu le manager du Paul Bachot, j'ai adoré le revoir du coup. Dans quoi c'est un peu Paul Prod. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais c'est comme c'est ce qu'ils m'ont dit, Anthony Marciano. Et moi j'oublie. Ils voulaient un truc du genre. Et non, qu'est-ce que j'ai alors si tu veux. Non, en fait, non, j'ai. Non, mais s'il y a des trucs que tu veux pas dire, j'ai un film que j'ai écrit qui va être envoyé à un casting là dans pas longtemps. Mais c'est donc il est coproduit, l'écriture, il y a une prod qui nous suit et tout. On attend de voir si ce film va être fait, c'est pas encore garanti qu'il soit fait. Et puis non, j'ai des petites propositions là un peu à droite à gauche, mais rien de qui va changer ma vie là cette année quoi. D'accord. Donc là je suis en train de d'écrire mon prochain spectacle, mais après s'il y a des voilà, c'est pas dur. En fait, en général, t'es sollicité pour un film, tu vois Play, là, vous me parlez de Play, c'est je fais une journée de tournage. Il y a deux ans quoi, parce qu'en fait il a été tourné il y a un moment Play. Oui, parce que là bah pareil, une sorte de boîte de prod qui a fermé de machin et tout. Et donc en fait c'est génial de le faire, mais ensuite tu sais, ça te prend une journée sur ton emploi du temps, et après tu passes à autre chose quoi. Donc les gens ils me parlent de Play, je suis c'est mec de Play, j'ai fait ça, c'est cool. Mais Ambre, dans Poulpovision, tu fais de l'improvisation. Ouais. Est-ce que c'est un exercice qui te plaît? Est-ce que tu en avais déjà fait avant? Comme vous avez pu le constater pendant ce podcast. Non, visiblement non. Enfin, pas le matin en tout cas. Ouais. Est-ce que j'en avais fait avant? Et est-ce que ça te plaît surtout? Je pense que c'est tout ça. Ça. Non, j'adore ça, surtout que dans cette équipe, on est trop bien quoi. Enfin, le cadre sert vachement à ça. C'est assez naturel, j'ai pas pris plus de cours que ça. Pour faire de l'impro, mais je me rends compte que c'est naturellement. Enfin, par exemple, sur le tournage, parce que j'ai fait mon petit rôle dans le film de Chabat. Oui, dans Santa et compagnie, bien sûr. Compagnie. Bah, dans lequel Thomas aussi est. Tout à fait. Et du coup, en fait, le texte qu'on voit à l'écran, c'est que de l'impro, pratiquement. D'accord. Ouais, c'est que de l'impro, en fait. D'accord. Sans me le raconter, voilà, c'était trop bien. Non, Chabat, trop il cool. Est trop client. En fait, c'est trop bien quand t'as un réal ou une équipe qui est hyper cliente de ça et qui te fait confiance et qui dit vas-y. Plutôt que quelqu'un qui essaye à tout prix de me mettre dans une case ou de me dire faut la faire comme ça, faut faire telle musique, tel machin. Si ce n'est pas Alexandre Astier, je ne le fais pas. Ouais, bien sûr. Bon, alors, Chabat, c'est pas mal quand même. Il pourrait me le dire. Chabat, hein, c'est son truc. Non, mais après, bien sûr, parce qu'il sait le faire. Mais c'est cool de laisser un peu la liberté aux comédiens, surtout dans la comédie, quoi. Oui. Mais donc, oui, non, j'aime beaucoup ça. Et surtout qu'il y a des acteurs que tu viens aussi chercher un peu. Bah, pour le coup, moi, j'étais déjà dirigé Thomas il y a longtemps sur un sketch Golden, c'était aussi un peu pour ça, c'est l'idée, t'as envie un peu d'avoir des impros enfin moi en tant que réal je sais que c'est un truc quand je... Mais c'est marrant, c'est toujours un peu ambigu parce qu'en fait tu sais, moi j'ai participé à pas mal de sketchs Golden et tout ça, et en fait quand t'arrives sur un tournage tu sais jamais qu'est-ce que le réal attend que t'improvises ou que tu joues le texte exact, parce que dès que t'improvises tu donnes toujours un peu l'impression de vouloir tirer la couverture à toi alors que c'est pas l'idée bien souvent. Mais, et donc c'est un peu, c'est toujours un mais peu... C'est ça qui m'avait fait halluciner sur Deadland, c'était que nous, on t'avait engagé justement pour ça, en se disant bah, « lui, il va improviser de ouf », etc. Et en fait, t'étais le mec le plus précis sur le texte. Alors bien sûr, des fois, tu débordais un petit peu, mais justement, je te voyais bosser. Et c'était ça, on va dire, la pépite qu'on avait sur Deadland, c'était de dire, putain, on a l'impression qu'il dit n'importe quoi et qu'il improvise, et en fait, c'est tout est écrit. Mmh. Et c'est aussi un autre talent, ça, c'est-à-dire de faire oublier le texte. Bah oui. C'est bien joué. Faut déjà partir de ça, et après, tu préviens, voilà. Tu vas proposer des trucs, mais il faut pas partir. Sinon, tu fais toujours le même personnage, en fait, si tu passes ta vie à improviser. Et du coup, on demandait un peu à Thomas, on disait, mais vas-y, tu peux y aller, machin. Il fait, attends, faut que je réussisse ça et tout. Donc, il y avait une vraie rigueur. Il disait, attends, mon gars. Ah, parce que je peux faire. Oui, mais là c'est trop. Là. C'est trop, vraiment. Vraiment une hyène. J'ai entendu quelqu'un ça, qui t'imitait, hein. Il faisait. Comme ça. Là, c'est vraiment vrai. Quelqu'un qui se mouche finalement. Quelqu'un qui me ressemble beaucoup dans une imitation. Quelqu'un qui m'imite bien, se mouche. Et à l'inverse, toi, Florent, Bernard, sur Dead Floor, dans lequel tu joues. Vu qu'on c'était l'inverse, on nous a dit en fait il y a pas de dialogue, démerdez-vous. Il y avait pas de dialogue sur Dead Floor. Ouais. Et du coup c'était en mode dis ce que tu dirais toi en fait. Et c'était génial de te voir toi et les autres acteurs trouver des blagues. Je sais plus comment tu sors des capotes, mais là pareil, c'est vient de toi quoi. Et bah c'est le petit truc que je rajoute au perso. Tes propres capotes. Je me suis dit là, je vais sortir les capotes. À chaque tournage que je fais, je ramène des capotes pour proposer un peu. En comédie. Ça va toujours en comédie. Bah, c'est une OP, c'est un placement de produit. Ouais, c'est ça. Et j'étais vraiment épaté de voir comment, parce que pareil, vous aviez que des petits séquenciers qui disent ton personnage dit en gros ça, mais il n'y avait pas la façon dont il allait le dire. Et on avait fait une sorte de répète dans l'appart de François Usant, le scénariste. Très bel appartement. Et on était persuadés que vous alliez trouver les dialogues sur place. Et vous, Julien Josselin et tout, vous avez fait non, on fera ça sur le tournage. Et j'ai fait, on était terrorisés. On se dit, mais en fait, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, cette série qu'on a vendue. Qu'on va tourner. Mais parce que là, c'est très impressionnant. En fait, c'est encore plus que de l'impro. Parce que moi, quand je parle d'impro, c'est j'aime bien qu'on suive mes dialogues, mais qu'effectivement, on déborde. Moi, par exemple, je coupe très tard. J'aime bien quand on laisse un peu vivre les scènes. Bah, typiquement, quand on avait fait l'ancienne Nouvelle Star à l'époque, là où j'étais trop content, c'est qu'il y avait Vincent Tirel et toi, et que c'était un duo que je voulais voir depuis longtemps. Donc, je laissais un peu le truc se créer entre vous et tout. Sur Dead Floor, ce qui était vraiment flippant, c'est que t'as pas une ligne, enfin, il n'y a pas écrit. Ton perso et un dialogue est improvisé autour, il n'y a vraiment rien du tout. Et quand on a fait effectivement la répète, c'est encore pire que pas sur le tournage, que t'es autour d'une table, on se connaît pas du tout. Je connais aucun, à part Julien et Antoine, je connais aucun autre acteur, je connais pas François Usant, le Coréal. Il y avait des filles. Et il y avait des filles et nous on était des garçons. et il y a genre, bah Flo, donc toi là c'est le truc où t'es un gros porc et où tu dis. Vas-y, chambé. Sachant que même sur le plateau. Une des comédiennes a plus ou moins détesté mon personnage. Mais tu étais parfaite pour Mais c'était la parfait situation. Parce que dans la situation, elle était censée le détester, mais elle a poussé le truc jusqu'à me détester dans la vie, plus ou moins entre les prises. D'accord. Non, mais parce que en fait, c'était très particulier parce que tu joues un peu tout le temps et on faisait quand même beaucoup de minutes utiles par jour. Oui, bah là, c'est 20 minutes utiles par jour. Ouais, une petite 20 minutes utiles par jour. Donc du coup, il y avait vraiment un truc où je sentais que le perso, et à la fin, j'ai vraiment fait un truc de. Mais tu sais, je jouais un peu, hein. Enfin, c'est pas. Je suis pas vraiment comme ça. Elle fait ouais. Bien sûr. Il y a eu une scène magnifique où François. Dit... Ah, ce qui serait génial, c'est que vu que le perso de Flo. Attends. Quoi? Tu parles du moment où je lui ai demandé, je lui ai proposé. Oui. Mais alors, je tiens à la raconter parce que j'ai peur qu'on croie que j'ai forcé une comédienne. Non. À faire une scène. Vas-y. Mets un point de montage. Non, je veux juste être sûr. Non, vas-y, je te laisse le raconter. On est d'accord qu'on parle du moment où j'ai dit. Ça serait bien que ton personnage. Rigolo. Qui est le marrant, l'histoire, qui se prend des vents et tout, etc. Et tout. Qui est droit à un petit smack, mais très furtif, de la part de la comédienne. Et là, on a eu la réaction. Dans le sens où, vu que je risquais ma vie, et que j'essaye tout le long, alors que je suis amoureux d'elle, et qu'elle me met des vents, et qu'à la fin, me laisse ce truc-là, en mode, mini repenti, quoi. Genre, t'as le droit à un petit smack avant d'aller te faire sacrifier dehors, tu vois. Donc, c'était genre, moi, ça me paraissait justifié, mais comme c'était pas vraiment écrit, je voulais pas non plus la piéger, donc je lui demande, devant toi. J'étais à côté, c'était le problème. Truc un peu violent pour moi. Et là, la meuf, elle fait, Ah non, c'est pas possible. Il y a eu, c'était en trois fois. Il y a eu ah non, petit regard sur moi, puis non. C'était un petit peu dur. Oh là là. Mon ego a été de l'humiliation. Peut-être un peu meurtri mon ego à ce moment-là, mais heureusement la série est marrante, donc ça vaut toutes les humiliations du monde. Mais c'est grâce à Dead Floor que ça m'a donné re-envie de donner de faire de l'impro et donc ça vient de là vraiment ça vient de cette idée de dire en fait c'est possible. En fait, avant Dead Floor, je me dis c'est pas possible de faire une fiction où les gens savent pas de quoi ils vont parler vraiment. Et en fait, je me dis si c'est possible, il me faut juste des gens bons en impro. Et c'est là aussi où je veux en venir, les c'est gens que qui s'écoutent. Et en fait, moi, je fais un peu mon marché en fait. et donc là, j'apprends. Alors toi, j'ai aucun doute que tu es fort en impro et tu seras certainement invité. C'est en cours de négo. voilà, en interne. Avec Shine. Mais acheter aussi Mister. Mais ma peur, c'est l'inverse. Ma peur, c'est d'inviter quelqu'un, dire ouais, c'est marrant, c'est une impro. Et en fait, la personne dise mais en fait, je déteste ça, même si c'est des humoristes. Et donc, je suis content d'apprendre que Ambre aime bien l'impro, et etc. Parce que c'est toujours difficile de savoir si ça va être un. En tout cas, il faut aimer bon ça. Voilà, c'est ça. Et, c'est et ne pas avoir peur des bides et tout. Moi, en tout cas, j'ai pas peur du tout de ça. Je m'en prends sur le plateau de Poulpe. C'est parti du jeu. Il y a du montage derrière. Bien sûr, excellent. J'ai deux dernières questions. Une question pour Ambre. On t'a vu du coup dans pas mal de courts-métrages sur Internet. Est-ce que lancer ta chaîne t'intéresserait? Écoute, vu qu'en c'est plus la grande tu fais... question. Ouais. Non, j'y pense très souvent. Mais t'as eu des prix avec le Nikon en plus. Non, j'étais sélectionné. T'as été sélectionné, oui, voilà. Ouais, j'en ai fait deux en fait, et à chaque fois j'étais dans les 50. En tant que réel. J'étais un peu au top de ma carrière. Ouais, en réel. J'ai réalisé, j'ai joué. Et il faut bien servir par soi-même. Mais tout à fait. T'as tout à fait. Et donc, ouais, j'y ai pensé. Et quand je vois la somme de travail que c'est, quand je vois mes copains youtubeurs et youtubeuses qui font ça, c'est pas que je suis flemmarde, mais à la fois j'ai trop peur de m'investir et de faire que ça, et du coup de plus avoir le temps de faire autre chose. Du coup, je fais rien. je connais ça. Tu fais bien, rien. Ça, tu le fais bien. J'attends mon heure. Non, mais j'y pense. Mais je sais que si je fais ma chaîne, c'est que j'aurai un concept, une série, un truc. Je sais. En plus, grâce au Nikon, j'ai accès à l'aide CNC. Enfin, moi, j'ai que des trop bons plans que j'utilise pas encore parce que j'attends bien d'être prête, tu vois. Mais avant mes 40 ans, je vais le faire. Bah c'est bien déjà, t'as une deadline. Tu t'es mis une deadline. J'ai des idées de fiction, il faut juste faut sortir les doigts. Eh mon gars, on va pas se mentir, ok. Ah, pas mal, c'est pas mal. Attends, on va pas se mentir. C'est la version féminine. Et la dernière question est pour Thomas et parle d'un sketch assez culte. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh. Qui à mes yeux n'a pas eu. Je vais peut-être pouvoir apporter aussi de l'eau au moulin parce que j'étais. Il s'agit de Nono Porno. Ah oui. Alors, quelle est l'histoire derrière Nono Porno qui s'appelle Blind Gone Wild sur internet? C'est je crois vrai. Que c'est Blind comme ça qu'on le trouve. Ah non, alors. Ah bon, c'est vrai? Il mais me oui, semble bah que oui, c'est ça. Bien sûr. Mais si tu tapes Nono Porno, tu le trouves. Je pense que tu le trouves. Ouais. Attends. Et faut avoir plus de 18 ans. Oui. Parce qu'elle est interdite au moins de 18 ans. Ouais. Moustache interdit au moins de 18 ans. Ben non, mais en fait, je peux. Alors, l'idée, c'est que. À l'époque, je participais beaucoup à des sketchs de Golden Moustache, parce que beaucoup des réals et des comédiens là-bas m'appelaient pour faire des sketchs. Et puis un jour, à Golden Moustache, je sais plus si c'était. Vladimir. Vladimir, voilà, me dit fais ton sketch. Lui ou Adrien? Adrien, je sais plus. Enfin, voilà. Je pense que c'est Vladimir. C'est Vladimir. Voilà. Ouais. Je me retrouve du coup à écrire un sketch de. Donc, l'idée, c'était de faire une bande-annonce de DVD de films porno, mais commenté à l'écran pour les non-voyants. Donc je suis un espèce de goyot qui arrive à l'image quand tandis qu'il y a des gens qui baissent derrière. Donc on avait reconstitué un peu des décors porno. C'est le meilleur. Et puis moi j'arrive et puis je fais là c'est le mec il a senti sa teub. Et comme par hasard la meuf elle commence à le sucer. Et elle est à poil déjà. Elle est à poil. Je peux venir. Là, je peux venir moi. C'est que un mec qui arrête pas de dire. Enfin voilà, donc hyper salace. Le regard salace du mec qui a jamais trempé. Là, un ado en gros quoi. Un ado. Voilà. Qui transpire du sperme sous les aisselles. Je citerai le sketch gros doigté. Voilà. Gros doigté. C'est une de mes trucs préférés. Ah oui, je dis gros doigté. Hein, ouais. Et tu dis, on va tous les faire. On le connaît mieux que toi. La taille de la bite du gars. Ah ouais, et après, tu dis, la chance. Ah oui, la chance. J'ai trop envie de le voir. C'est complètement relié à l'actu. Vu qu'en ce moment, il y a un mec qui a fait un procès. Oui, mais c'est ça. Et oui, pour les sortir. C'est vraiment de leur sortir. Il leur rend un opportun. Et la voix, je sais pas quoi. Oui, oui, sous-titre pour les. Et donc, voilà. Et donc, on avait tourné. Mais t'étais dedans ou pas, toi, Adrien? Moi, j'étais. En fait, je suis en train de parler quand j'avais fini le sketch. Parce que, en fait, le sketch s'est fait. Attends, il y avait vraiment des gens qui. Ah non, mais ils faisaient pas. On a demandé à des potes. Mimel, Lucien Mène, par exemple, a accepté de tourner à moitié à poil derrière. Donc, il simulait les scènes bah, derrière. On voit rien, on voit même pas de sein, rien. Non. Non, mais en fait, le sketch s'est fait sur le passage de flambeau. En fait, c'est Vladimir qui t'a contacté pour le faire. C'est lui qui l'a réalisé, d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. C'est Vladimir qui l'a réalisé. Et après, c'est moi qui suis devenu directeur artistique de Golden Moustache. Donc en fait, il m'a refilé le bébé. Moi, j'ai fait toute la partie ensuite. Ouais, de la post-prod. J'ai fait genre 2-3 retours sur le montage, des trucs comme ça. Ouais. Et après, on l'a mise en ligne. Et moi, c'est genre, j'avais vraiment des gens qui me disaient non, mais on le met pas en ligne. Genre, des gens qui ne comprenaient pas, des gens de Golden Moustache qui disaient. Non, mais on peut pas mettre ça en ligne et tout. Et je disais, mais si, c'est trop drôle et tout. Et vraiment, vraiment ouais. deux personnes. On rappelle le nom. Blind Gone Wild. Et entre parenthèses, effectivement, il y a Nono Porno. Nono Porno. Okay. Et vraiment, c'était mon premier fait. Mon premier. Je suis arrivé en tant que DA et j'ai dû imposer le sketch. Et du coup, le sketch a été mis en ligne. Il a été interdit aux moins de 18 ans parce qu'il y a vaguement des gens. On voit des épaules nues. Donc ouais, en fait, il n'y a rien de. Et du coup. Et en fait, qui dit interdit aux moins de 18 ans dit pas monétisé, donc pas de pub, donc zéro argent pour Golden Moustache. Ah ouais, donc c'est pour ça que c'est là, mais donc, on se fait chier à faire ça. Quoi. Ils sont revenus, les gens qui m'avaient dit on le met pas en ligne, sont revenus me voir en disant bah voilà, tu vois, interdit aux moins de 18 ans, super et tout. Vivement la fin de l'enregistrement, ils imitaient Thomas d'ailleurs, ils imitaient Thomas. Mon chien oh, super, mon chien oh, non. Non, c'est saisissant, je croyais que Thomas parlait. Ouais. C'est fou, hein. Bah oui, non, bah c'est. Enfin, vraiment, je suis le plus mauvais imitateur de moi-même quand j'en fais des caisses. Vraiment, vraiment, je m'auto-soule. Ah bah non, ta gueule. Ouais, je me perds, là, parce que. Et voilà, on m'a dit, bah voilà, t'as super, hein, et tout. Ce qui était absurde, parce que de toute façon, l'argent était déjà dépensé. Oui. Donc mais vous auriez pu l'uploader sur Pornhub, justement. Peut-être. Franchement, il y a beaucoup de sketchs. Mais ça impliquerait. Des bonnes idées, d'initiatives. Allez, un petit bip. 1h41, un petit bip. Ce qui est marrant, François, c'est que tu dis ça a été une bonne idée de le mettre sur YouPorn, ce qui a été un de mes premiers tafs au sein du Golden Show. Puisqu'il fallait que je mette le sketch dans la peau de Katsuni sur YouPorn avec Adrien Méniel à l'intérieur, à l'époque où je ne te connaissais même pas, à l'intérieur du sketch. Et un de mes premiers tafs a été de créer un compte Pornhub, le Golden Show, et d'uploader le sketch dans la peau de Katsuni. Et j'espère que t'as. Je suis sur Pornhub, je suis très fier. Ouais. Et t'avais appris des choses. Est-ce qu'il y a des pratiques différentes sur les autres sites? Pornhub sont très longs à. Alors à l'époque, je te dis ça. Ah, très longs à venir. À l'époque, on pouvait rire de tout, hein, déjà. Je vous le dis. Donc c'était encore une autre époque. Ça prenait beaucoup de temps. Ils validaient. Et en fait, ils me l'avaient refusé une première fois. Parce qu'il n'y avait pas de cul. Ah ouais. Du coup, excusez-moi, personne ne baise. Quel est l'intérêt de cette vidéo? Du coup, je suis complètement à poil dans la version. On a retourné des. Je suis à poil. T'aurais en érection, et là, c'est tu baisses des vies. Tu baisses des vies mourriers devant les yeux de tous. Ah, voilà. Bon, bah, les amis, merci beaucoup. Mini tour de recommandation si vous avez quelque chose. Adrien? J'en ai deux. Allez, vas-y. Il faut que je. Tu peux en garder une pour la prochaine fois. Tu sais, on est devenu une hebdo maintenant. Donc oui, au mais final... moi, je suis une personnalité très solaire et j'aime tout. Donc, j'ai toujours. Bon, écoute. Non, est-ce que tu es un MC solaire? Oui. Tu blagues que je te propose? Absolument. Non, non. Aucun rire. Ah si, non, j'ai un petit. Non, on va dans l'affinage de blague. Il y a eu un souffle de nez de Thomas. Moi, je vais recommander c'est les blagues. De mettre raffineur de non, blague. Il faut que je cale parce que la dernière fois j'ai dit ah il y a une chaîne YouTube mais c'est en japonais machin. Donc il faut chercher ICBitaru ICEEBITARU et on tombe, le premier résultat c'est cette chaîne japonaise du mec qui fait de la cuisine mais il utilise systématiquement des gadgets absurdes très, et tout. Très intéressant. Donc voilà, je le dis, c'est ma demi-reco de la dernière fois. Sinon il y a un jeu sur iOS qui s'appelle Pilgrims, c'est une sorte de point and click, mais les graphismes sont hyper beaux, inspirés de l'univers des fables, un peu des pays de l'Est et tout. Et c'est très court, mais c'est vachement, vachement joli et facile à jouer et tout, c'est cool. Et sur Netflix, la série Cheer, qui est les gens qui ont fait Last Chance You, les gens sont à fond sur cette série. Le documentaire sur le football américain, et là ils font en gros la même chose mais sur les cheerleaders américains, et c'est vraiment c'est documentaire ou c'est documentaire ouais. Last Chance You c'était un documentaire sur en gros une équipe de football américain, mais c'est les mecs genre c'était un peu l'université genre où tu vas quand c'est ta dernière chance en gros quoi, donc il y avait un peu un côté les mecs c'est maintenant ou jamais underdog voilà exactement, et bon là c'est pas ça parce que c'est vraiment la meilleure équipe de cheerleaders de tout non, mais c'est la meilleure équipe mais de cheerleader. Ouais, mais alors justement, tu vas changer d'avis quand tu vois, parce que cheerleader, on se dit oui, super, les pompons, et en fait, c'est horrible. C'est-à-dire que c'est vraiment les trucs où ils se jettent en l'air, ils font trois saltos, quelqu'un oublie de les rattraper, donc ils s'éclatent au sol. C'est le truc le plus. Ils oublient. J'avais décoré hyper millimétré. Donc c'est plus un sport que le foot, par exemple. Non, mais c'est horrible. C'est le sport le plus dur qui existe, en fait. Quoi. Ouais. Les gens se font des entorses, ils s'éclatent la tête par terre et tout. Et en plus, ils sont ultra passionnés par le truc. Donc ils s'éclatent la tête par terre, ils disent non, mais c'est bon, je peux le faire. Il y a des mecs ou c'est que des mecs? Non, il y a des mecs parce que. La seule référence de foot, c'est pas des Neymar. Non, il y a des mecs parce qu'il faut les mecs qui, en gros, qui jettent les meufs en l'air, qui les rattrapent, qui font des. En fait, il y a des. Vous verrez, en fait, du coup, on apprend en plus qu'il y a vraiment différents postes et tout. Il y a les stunters, les tumblers, etc. Et en plus, humainement, c'est, enfin, c'est vraiment très très bien. Voilà. Okay. Très bien, tu l'as bien vendu. Il l'a très très bien vendu. François ? Alors moi, j'ai découvert une série qui est pas récente, dans le sens où qui date de 2004, mais qu'on m'a offert à Noël. Qui c'est est la définition de pas récente. Non, oui, mais elle est doublement pas récente parce que c'est une série de 2004 qui se fait passer pour une série des années 80. Ah. Et ce que je trouve dingue, c'est que autour de cette table, j'ai l'impression que personne l'a vu, alors que c'est littéralement notre humour ou ce qu'on a essayé de copier sans s'en rendre compte. Et ça s'appelle Dark Place. Qu'est-ce d'accord. Que c'est et c'est vraiment une sorte de, bah pour le coup, c'est vraiment comme Phantom Force. Ok. Dans le sens où c'est une fausse série qui essaye de pas avoir vraiment des gags. Oui. À part le fait que bah c'est, alors vous encore c'était bien fait. Eux, leur pitch était que le gars était fou et était d'accord. persuadé de faire une super série. Mais comment dire, coupé par des interviews de lui-même en train de dire et là c'était vachement bien machin et, en mode rétrospective trop et bien. C'est un mode film d'horreur dans le sens c'est une sorte de faux Stephen King pourri et c'est co-créé par Richard Ayoad de The IT Crowd d'accord ouais donc, okay. Et donc il y a plein il y a dedans il y a des il y a plein de gestes on va dire anglais d'humour anglais. Putain. Et non seulement visuellement c'est incroyable comment tu pourrais vraiment y croire. Mais en plus, les blagues méta du gars qui, en plus, c'est l'auteur qui se met en scène lui-même, qui est persuadé d'être hyper intelligent, qui fait peur alors que tout est naze. Et il n'y a eu que 6 épisodes. Alors... Mais je crois que j'en ai vu. Il y a un conteur au début, au coin d'un feu, un peu comme dans... Oui, il commence toujours avec... Il lit son propre livre. Dans les contes de la crypte, un peu. Il lit son propre livre et il dit, voilà un extrait de mon propre livre. D'accord. Et après, il dit... Gartmar voilà. Guy's Dark Place. Exactement, c'est le titre entier. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est sur YouTube, mais moi, j'ai le DVD. Et le DVD est très drôle parce que c'est comme si c'était un DVD créé par le faux mec, ouais, dans lequel il fait des commentaires audio en personnage. Et c'est vraiment bien, mais ça fait que 6 épisodes. Et donc, ça s'appelle Dark Place et c'est hilarant. Et voilà, ça, c'est le truc que je recommande pour les gens qui aiment bien rire de trucs un peu chelous. Est-ce que tu dis il n'y a que 6 épisodes, mais est-ce que tu aurais voulu en regarder plus ou pas? Franchement, à la fin, ouais, parce que tu te dis, ils avaient vraiment un super concept, et je crois qu'en plus, Richard Ayoad, il a gardé son faux personnage dedans pour en faire d'autres choses. Enfin, d'accord. Ils ont fait tout un univers méta sur leur faux personnage à l'intérieur, parce qu'en tant que plus, c'est Richard Ayoad qui joue le rôle de l'éditeur du livre qui est chargé d'être. Enfin, qui on demande de jouer dans la série. Du coup, il joue très très mal dans la série, et donc il y a plein de tiroirs ouais. comme ça okay. de méta, et c'est. Non, vraiment, c'est super. Très bien. Ambre ? Oui. Un truc que t'as kiffé récemment. Bonsoir. Mais un truc que t'as vu, pas forcément un truc récent. Hein, c'est... Ouais, j'étais en train de préparer un jeu de mots sur Rocco Siffredi, mais je vais pas le faire. Trop tard. Ouais, du coup, je dis tout en vrai, par contre, j'ai aucun filtre. Non, j'ai vu L'Effondrement oui. sur Canal, donc j'ai eu la chance de voir tous les épisodes. Je crois qu'ils sont pas encore tous sortis. Mais pas sur YouTube, ouais. Ouais, sur YouTube, non. C'est complètement dingo et j'adore les plans séquences, c'est trop bonne idée, j'adore ce truc. C'est fou, ça m'a retourné le cerveau, j'ai construit mon bunker, je suis prête pour la fin du monde. Est-ce que tu peux raconter le pitch ? C'est vrai, je suis très mauvaise pour pitcher. Non, Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des vidéos, non c'est des épisodes donc d'à peu près 20 minutes tournés en plan séquence, c'est-à-dire que la caméra ne s'arrête jamais et ils illustrent chacun un aspect de que peut-il se passer si jamais la société s'effondre quoi. Donc c'est ouf, tu vois ouais. comment ça va se passer dans une maison de retraite, comment ça va se passer si tu es riche, si tu es pauvre, si t'as tel truc, et les acteurs sont dingues et trop bien menés et c'est vraiment tu te projettes et tu crois que ça arrive parce que c'est mes potes, donc j'ai vraiment cru que ça va arriver, ouais. J'étais complètement folle, j'ai regardé tout d'un coup en une nuit et j'étais vraiment pas bien le lendemain. Donc ça c'était petit recours ça c'est sur Canal Plus et il y en a certains sur YouTube. Ouais, exactement, merci ouais. de faire non, je ça sais, à de... ma place. Je suis vraiment pas douée. Et sinon, j'avais un message à faire passer. Alors, on va passer dans le magazine de la santé juste 2 secondes pour les femmes, parce que je sais que ça touche énormément de femmes. J'ai besoin d'en parler pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Bon appétit à tous. J'ai une story sur mon Instagram, une story épinglée, n'est-ce pas, qui s'appelle End of Story. J'ai fait un jeu de mots sur comment je me suis soignée. Parce que tout le monde parle d'opérations, tout le monde a des espèces de techniques de barbares qui sont parfois utiles, mais il y a vraiment des alternatives et c'est trop intéressant. Et quand j'ai fait cette story, j'ai eu genre 200 messages des mecs, des meufs, des mecs qui en ont parlé à leur meuf, à leur copine, à leur sœur qui était atteinte, et des filles, des femmes qui étaient ouf d'apprendre qu'en fait on pouvait se soigner avec des méthodes plus douces et plus naturelles et tout. Donc, et j'en ai reparlé, et parfois il y a des femmes qui m'arrêtent dans la rue qui me disent « Ah, mais c'est toi qui as fait une story sur machin, qui t'es soignée et tout. Je n'ai plus mal, bordel de cul, après 10 ans de douleur. Donc c'est possible. Arrêtez le gluten. » Donc du coup, c'est sur ta story, c'est comment, c'est ton nom sur Instagram ? Je donne le contact de ma thérapeute et j'en parle et tout. Mon Instagram, c'est Ambre Larazet. D'accord. Hein, non, pas Lazaret. Pas Lazaret, faut arrêter. C'est un Lazare, Nazareth, ce n'est pas moi. Ambre Larazet. Okay. Et n'hésitez pas à m'écrire, les meufs, je vous répondrai avec grand plaisir parce que j'ai pas mal de temps en ce moment. Et pas de DVD de Kaamelott à offrir, peut-être, Thomas aussi. Si la personne est malade, on n'offre pas de DVD de Kaamelott. C'est un conseil qu'on peut donner. Bah non, parce que si t'es pas sûr qu'il aime bien, tu peux te faire engueuler. Alors, c'est chiant de te faire engueuler par un pote. Moi, j'adore. Je les ai déjà. Mais bon, voilà, en tout cas, j'avais envie de faire passer ce message. Bah dès non, que, je peux, dès que je peux m'en parler, j'en parle. Je ne ferai pas de chaîne YouTube là-dessus, parce qu'il y a déjà Julien Méniel qui fait des trucs sur la santé, bien sûr. Il pourra m'inviter s'il veut en reparler. Je sais qu'il a fait un épisode là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est important, je pense, quand t'as la chance de t'exprimer un tout petit peu publiquement, même si c'est juste 100 personnes qui vont m'écouter, ben après, ça a fait un effet, tu vois, ça s'étend, quoi. Non, mais trop cool. Voilà, donc les meufs, renseignez-vous trop et venez me parler. Bisous. Et Thomas, toi, t'as un truc à recommander? C'est pas vraiment une série, c'est pas vraiment un film non plus, parce qu'en fait, c'est un ketchup que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est le ketchup au jalapeno, mon pote. Alors fermez vos gueules, fermez vos gueules. Non, moi j'adore. Ça va changer votre vie, le ketchup au jalapeno, tu connais? Non, mais j'adore, je crois que c'est la première reco bouffe. Ouais. C'est la première fois que quelqu'un nous, en 5 ans d'émission. Extrêmement déçu qu'on n'y ait jamais pensé. Le matin. Moi j'aime bien. Avant, je pense les œufs le matin, je m'en foutais. Avant, je voyais des gens qui mangeaient des œufs. Je dis, ouais, bah fais ta vie, toi. Et un jour, dans un hôtel, je vois quelqu'un mange des œufs. Je dis, ah tiens, je vais manger des œufs. Et puis, il met du ketchup. Je dis, mais attends, on n'est pas des Américains là. Ouais, Donald Trump, il est orange. Bon, voilà. Et donc, comme l'œuf. Comme l'œuf, ouais. Et le mec, en fait, il met avec du ketchup. Et je dis, tiens, je vais goûter. Et donc, je goûte le matin. Parce que ça change tout, ce soit le matin. Vrai, les œufs avec du ketchup, je suis là, allez. Tous vous faire enculer. C'est hyper bon. Et donc je recommande ça à un pote. Je lui dis, va te faire enculer, goûte les œufs avec du ketchup. Il dit, ah, attends, je veux dire, dis ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu goûtes le truc. Tu le chopes à la gorge. Et il me rappelle, et je l'envoie 10 jours après. Il me dit, ah putain, il me dit, j'ai goûté les œufs avec du ketchup le matin. Il me dit, mais alors moi, j'ai goûté avec du ketchup au jalapeno que tu trouves pas partout. Donc c'est une marque à la confessa. Et donc c'est le jalapeno, c'est un piment mexicain. C'est pas, ça arrache pas la gueule de ouf, mais ouais, ça relève un peu le ketchup. Réveille. Et vraiment, le mélange du matin des œufs avec du ketchup au jalapeno, ben voilà, t'as envie d'aller et faire pousser déjà la péno. Et ça, et puis si en vrai aussi, mais ça je sais que t'es sensible à ça, c'est un de mes groupes préférés du moment, donc qui est pas assez connu, c'est les New Pornographers. Bien sûr. Et tu m'as envoyé un texto, je sais pas quoi, il y a un an pour me dire, ah t'as bien fait de me conseiller les New Pornographers, j'adore. Et c'est un groupe canadien injustement méconnu, enfin plus connu aux États-Unis, mais voilà, donc je suis méga fan de ce groupe, mais c'est une de mes activités principales dans la vie, consiste à les écouter, donc tu vois, vraiment activement. Vraiment, et nous terminerons cette émission avec une chanson des New Pornographers. Avec grand plaisir. Tout simplement. Bah voilà, bah super, petit tour de table pour savoir l'actu un peu en ce moment. Ambre, il y a Poulpovision. Oui. En ce moment, toujours sur Canal+. Encore des émissions diffusées tous les dimanches à 14h20 en clair et dispo en replay sur MyCanal et quelques-unes sur YouTube ainsi que des extraits. Trop bien. L'écriture qui reprend. Je me suis remise à écrire et à avoir plein de projets dans tous les sens, donc c'est trop bien de travailler avec les copains. J'en mets. Et voilà, je pense que d'ici le mois de juin, j'espère que j'aurai refait mes heures d'intermittente. Et je cherche un nouvel agent. Non, bon, en fait, je suis un peu, voilà, j'ai pris un peu les vacances là, de Noël pour réfléchir et remettre et avoir un peu plus d'ambition et de faire des trucs vraiment cool et redevenir créatrice et motrice. Bah, trop bien. Ouais. J'en mets. François ? Vous pouvez toujours regarder Dark Stories sur YouTube et sur France TV/. J'ai réalisé l'épisode 1 et 3. Donc c'est censé faire peur, voilà. C'est censé faire peur. Voilà. Oui, le regardez peut-être pas sur un portable au chiottes quand il fait jour. Mettez-vous dans une petite ambiance. Voilà. Petite ambiance et tout. Et Mystère à Saint-Jacques, mon podcast sur les plateformes de podcast et sur YouTube, qui j'espère va reprendre, et plein d'autres projets très longs à mettre en place en parallèle. Voilà. Bien sûr. Mais François, il a un côté candidat de Question pour un champion. Oui, bonjour. Je passe le bonjour à toute la communauté. C'est vraiment bien cette intonation. J'espère gagner. Enfin, c'est l'air. Thomas. Donc moi j'ai créé mon prochain spectacle en ce moment, et donc j'ai repris les chroniques un petit peu à France Inter, parce que comme je tournais Bon Chien Chien jusqu'à la fin du mois de décembre, j'étais peu à la radio. J'étais à Quotidien l'an dernier, mais j'ai arrêté parce que j'avais plus avec ma fille qui arrivait, et puis la tournée et tout, j'avais plus le temps de continuer. Et puis de devoir y être toutes les semaines, c'était trop dur pour moi en fait. Donc en fait j'ai repris un petit peu Inter, j'ai créé mon prochain spectacle, et voilà, je vais me balader aussi. Et il y a ton DVD que j'ai offert à Noël à une connaissance. Donc, oui, mon DVD de Bon Chien Chien. Un ami, non, la famille, c'est celui que je t'avais dédicacé là. Oui, Bon Chien Chien qui est dispo en DVD. Il est encore sur le replay d'M6 ou pas du tout? Je sais pas, sur TF1. Bizarrement, c'était sur M6, mais il est sur le replay de TF1. D'accord, ok. Bon, voilà. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. C'est le temps qu'on dit, je crois. Adrien, nous on se retrouve la semaine prochaine, normalement. On aura un épisode avec, je conseille aux gens, si vous l'avez pas écouté, si vous avez dit, oh oui, bon, c'est pas un vrai Floodcast, le Floodcast raconte qu'on a sorti la semaine dernière. que t'as quand même écrit entièrement en fait. Bon après c'est pas. Non mais voilà. On a écrit. Non mais est-ce que vous connaissez C'est bien se vendre, Adrien. Oui. Voilà, ben on a fait une parodie. Ah, c'est horrible d'écouter ça en voiture, par contre. Je me suis rendu compte quand tu roules et que t'écoutes ça, bah il te fait trop peur le mec. Moi, le Christophe, fait non, soudain. Fait rire, moi. On est parti là-dessus. Tu peux accélérer très facilement. Nous, c'était parti du fait que ça nous faisait beaucoup rire quand il, parce que c'est lui qui fait toutes les voix. Beaucoup, tu connais ça, ou pas, on te raconte. C'est Jean-Pierre Bellemare un peu ou pas? Non. Oui, mais il fait les voix. Déjà, c'est Pierre Bellemare. C'est pas Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre Bellemare, d'accord. Pierre Bellemare. En gros, oui, mais je pense que Pierre Bellemare, lui, il était juste conteur. Alors que Christophe Ondelatte, il raconte l'histoire et il dit le policier est allé frapper à la porte de machin pour l'interroger. Après il joue la scénette en faisant toutes les voix lui-même. Je vais me presser. Énormément d'accents. Et donc, tu aimes les accents, il y a énormément d'accents. Alors d'ailleurs, c'est très anxiogène. Alors attends, je conseille le dernier, qui s'appelle Daesh a volé mon fils. Oh putain. Où il est en très grande forme. Qui à la base est un livre de Marcel. Il fait l'accent rebeu. Et il fait un beg aussi. Oh putain. Et attends, c'est sur quoi qu'on écoute un plateforme de podcast, tout. Sinon c'est Europe 1. On de la raconte. Et donc. En fait, là, Ondelatte, il a une voix très grave, très rocailleuse et tout. Donc, quand il fait des flics et tout, ça passe. Il fait je lui ai demandé, machin. Bon, ça, très bien. Quand il fait des femmes ou des enfants, j'ai demandé à maman. Avec sa voix et tout. C'est trop bien. Et donc, du coup. Ondelatte est un roue libre. On ça avait fait. Dit que c'était pour le Téléthon Gaming. On avait dit si il y a plus de temps de dons, on fera une parodie de Ondelatte raconte. Du coup, c'est fait. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Il fait 90 degrés. 90 degrés dans ce salon. Mais merci beaucoup d'être venu et puis à très bientôt. Ciao, bye. Ciao. Merci, bye. Cause and cure. It's-